Wesh ma girl. Nom de Zeus. Super Radio Bros. C'est un dimanche sur deux à 11h sur Twitch. Ah, t'as vu? Très très content, j'adore. Le podcast du jeu vidéo avec des bros. Here we go again. Pendant 1h30, et en replay sur YouTube, Spotify et tout ça, toi-même tu sais. Hey, salut à tout le monde, bonsoir, joie dans les chaumières. On m'entend en plus, on a le droit de crier aujourd'hui apparemment. Bonsoir à tous. Moi. C'est moi qui touche les micros et on m'entend pas. C'est incroyable. Bonsoir. Quel professionnalisme comme toujours. Oui, toujours professionnel. Bonsoir, bonjour à tous. Salut à tous les gens qui sont dans le chat. Bienvenue. C'est JV en direct des internets mondiaux avec les copains pour la deuxième émission de Super Radio Bros. La radio qui parle jeux vidéo avec des bros. Votre nouveau rendez-vous un dimanche sur deux à 11h pour parler jeux vidéo, rétro gaming, écouter de la zik, discuter entre potes, apprendre des trucs en s'amusant et parler avec des invités aussi, vous allez le voir. On est nombreux ici déjà sur le chat et sur le live. Merci à tous pour les premiers retours de la première émission qui était pour certains le retour pour une quatrième saison de l'ancienne émission GTFM et pour d'autres, bah, vous nous avez découvert sur Twitch en direct, sur YouTube en VOD ou sur toutes les plateformes de diffusion avec le podcast qui est désormais disponible partout. Sur Apple Podcast, sur iTunes, Google Podcast, Spotify, Podcloud, Podcast Addict, voilà, vous avez tous les liens en description ou sur... J'ai jamais Deezer, hein, c'est fou. Hein. Non, parce que je l'ai pas mis sur... C'est le seul que j'utilise. Ouais, ah ouais, bah, faut que je le fasse alors. Mais oui. Alors promis, je verrai aussi sur Deezer. Tous les liens sont sur super-radio-bros.lepodcast.fr si vous n'avez pas envie de vous faire chier à écrire, regardez la description. N'oubliez pas, si vous êtes sur notre direct ou sur la rediff, à vous abonner, à liker, partager, activer la cloche, hein, toutes ces choses, vous savez... Ça prend pas de temps. Les pauses bleues, ça prend pas de temps, ça nous aide énormément. Voilà, si vous aimez l'émission et vous voulez soutenir la production indépendante et libre, parce qu'il y en a peu, hein, aujourd'hui, des choses comme ça. De production ? Ouais, c'est vrai. Indépendante et libre surtout. D'ailleurs, j'ai pas aimé Doritos. Hein. Guten Tag Dioxy qui est dans le chat aussi, qui vient d'arriver, c'est la première fois. Wouhou, bienvenue à lui. Les gars, on a fait pas moins de 170 écoutes en 48 heures pour la première. Donc c'est bien au-delà de nos espérances, je pense, on va pas se mentir. Hein. C'est plus que mon nombre de doigts, c'est incroyable. Ah oui, c'est vrai. Donc, et à partir de quand on touche des royalties, du coup? Alors... À 172 Je suis donc avec la famille, la famille est un petit peu intéressée, mais avec les bros de Super Radio Bros. Il y en a qui est caché, là. Et je vais... Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Ah, mais oui, t'es caché. Mais oui, non, mais, ouais, mais j'ai des petits yeux. Oui, mais approche-toi un petit peu, allez, oui, d'accord, on te voit. Voilà. Ah. Il est là, on disait de lui qu'il avait laissé tomber, c'est pas toi. Une brillante et prometteuse carrière de youtubeur pour rejoindre une équipe de blaireaux dans une émission de radio pas écoutée. On espère que l'audience de cette émission va faire taire ces nombreux détracteurs qui sont quand même moins nombreux que les gens autour de la table aujourd'hui. C'est Yako, salut Yako. Bonsoir. Bonsoir. Ah oui, c'est vrai que t'avais une chaîne YouTube. Oui, j'ai une chaîne YouTube qui existe toujours. Ah, tout le monde s'en branle, s'en fout. Petit instant promo, tout le monde s'en fout et pas. Et tout le monde s'en fout, cet enfoiré qui m'a volé mon titre. Exactement. Et qui m'a jamais rien demandé. Et j'ai eu plein de messages sur Facebook de gens qui m'ont dit ah, mais ils t'ont pas plagié ce gars. Et j'ai dit oui. Alors, normalement, d'un point de vue du droit d'auteur, tu pourrais faire quelque chose. Et non, parce qu'il s'appelle Et tout le monde s'en fout. Alors, même si c'est très très similaire. Et surtout, lui, il est connu. Ouais, et la voilà, si je vais faire la bagarre avec lui, il y a des chances qu'il gagne. Non, il va même perdre, si mais ça va être vraiment chiant. Si j'ai gagner 3 balles. Si je peux prouver l'antécédent, c'est moi qui. Mais on va pas jouer à des concours d'égo, je m'en fous. Je remets de la musique fort pour qu'il arrête de parler. Je sais que t'as un plus gros zizi de toute façon, donc. C'est pas la taille. Ça commence pour ceux qui voulaient du sexe, c'est maintenant. On nous avait demandé du sexe dans le chat. Après avoir laissé tomber une brillante mais prometteuse carrière de chômeur, pardon, musicien, pour enfin trouver son bonheur. C'est qui c'est du coup. Pour enfin trouver son bonheur le plus complet en venant faire de la radio avec des camarades moins à gauche mais plus agréables que ses anciens collègues. Il est devenu la plus belle voix de la bande FM digitale grâce à nous, c'est Jack. Salut Jack. Oui, merci à vous tous et merci pour votre accueil et pour le nombre de personnes qui nous ont écouté la dernière fois. Donc effectivement, on gagne plus d'argent sur Game Trip, enfin Super Radio Bros, que dans la musique, ce qui est assez dramatique hein, quand même. T'as vu qu'on gagne zéro, oui c'est dramatique. Ouais, carrément, ouais, mais on y reviendra avec le coup de gueule du jour qui va certainement concerner... Le coup de gueule du jour, voilà, évidemment. C'est incroyable. Il a laissé tomber une brillante mais prometteuse carrière de volleyeur car il avait la flemme. Mais tu connais tout de moi. Oui, car il avait la flemme de se lever pour prendre la route en direction des terrains adverses, surtout quand il neige comme aujourd'hui. Alors on lui a proposé de se lever tôt le dimanche matin pour raconter des conneries dans une émission pas écoutée. Et le pire, c'est qu'elle est écoutée finalement. Donc c'est belle impro, j'avoue. Bah oui. Ah, c'était une impro par rapport à ce que je t'ai dit quand je suis arrivé à la bourre là. Non, je l'avais déjà préparé parce que je savais ce que t'allais me dire. Je savais que t'allais être à la bourre. Franchement, on était pas à la bourre, mais non, mais il y avait quand même. Je me suis fait les croisés à 23 ans. Et je les connais tous. Et la carrière pro, bah du coup. C'est pour ça que c'est les bros, hein, c'est parce que je les connais si bien. T'écoutes quand on te parle en fait. petit peu. Regarde là par exemple, j'écoute le chat, je regarde le chat surtout. Dites-moi dans le chat d'ailleurs si le son est ok. Hein, on a fait des petits ajustements par rapport à la semaine dernière. Si c'est pas ok depuis tout à l'heure, c'est chiant quand même. Eh ouais, bah ouais, bon, ouais. En même temps, je vous emmerde. Non, voilà, non, je peux pas faire ça. Tu peux tirer ta main de mon dos, s'il te plaît ? Non. Mais putain, mais barre-toi ! Tu ferais la faire sur la cuisse ? Ah, je voudrais faire sur la cuisse. Ouais. Monsieur, vous êtes dissipé aujourd'hui. Bien évidemment. Bienvenue à nouveau dans cette émission qui va parler pendant 1h30 de l'actu du jeu vidéo sous toutes ses formes. Et on compte sur vous dans le chat pour interagir et donner votre avis au menu cette semaine après les coups de gueule et les coups de cœur de la rédac. À 11h15, Psartek ou Balek avec les dernières actus. Dans une demi-heure, pas de chronique, mais une interview. On aura comme invité, alors vous le savez parce que j'en ai teasé toute la semaine, on aura comme invité le doubleur français de personnages que vous connaissez tous ici autour de la table, Stéphane Cornicard, la voix de Gabe Logan, de Liquid Snake ou encore du G-Man dans Half-Life 2. Oh, il sera, okay. Eh oui, il sera en interview classe. Avec nous. Enfin. Par contre, je pense que ça sera utile et pertinent de demander son avis à Jack sur MGS. Hein, ça sera. Ah. Ouais. Ah, mais j'en ai parlé avec lui. Si tu veux parler du doublage qui était foireux, j'en ai parlé avec lui. Il a été très transparent. Vous allez l'écouter, ça. Ce sera un peu avant midi. Je suis un enfoiré. Non, mais c'est pour le. En fait, j'ai jamais joué à Metal Gear Solid. Donc, il a tendance à me moquer pour ça. même celui sur NES. Non, même celui sur NES, malheureusement. Ah, on peut rien faire. En deuxième partie d'émission, ensuite on va parler des vapeurs. Regarde, on ne nous entend pas apparemment. Wow. Ce qui explique pourquoi on n'a pas des. Non, il troll, il troll. Non, il troll. Ah bon. En deuxième partie de l'émission, on va parler des Vaporwares, les jeux qui ne sortiront peut-être jamais comme Good and Evil 2 ou Skull and Bones, du lancement exceptionnel aussi de The Last of Us sur HBO. Et ensuite, Café 80, votre rendez-vous du rétro gaming. Et puis en fin d'émission, évidemment, notre traditionnel quiz des gros bits. YouTube, ne me démonétisez pas, hein. Gros bits, je parle bien évidemment de l'unité. La plus simple, dans un système de numération ne pouvant prendre que deux valeurs désignées la plus souvent par les chiffres 0 et 1. Donc là, on est à demi-octet en fait, parce qu'on est que 4. C'est technique là, moi j'abandonne. Ouais, exactement. Ouais, bon. Voilà, messieurs, il est déjà 5 minutes de retard grâce à toutes ces digressions. Donc on va, sans plus tarder, j'ai envie de dire, passer au coup de gueule et au coup de cœur. Si je trouve le jingle qui se trouve quelque part ici, vous voyez, regardez, je cherche, là, il est là. Les coups de cœur et les coups de gueule. Et on commence par Jack. Ah, fantastique. Alors moi, le coup de gueule du jour, c'est sur le nombre incalculable d'articles qui traitent des IA actuellement. Notamment, ouais. On a entendu parler beaucoup de ChatGPT ou de ceux qui font des dessins. Donc effectivement, Sarah, au niveau des artistes. Alors je pense qu'il faut revenir quand même sur le principe d'intelligence artificielle. Pour l'instant, c'est plutôt des grosses bases de données qui savent exploiter les choses très très vite. Mais il n'y a pas encore d'intelligence derrière, quoi. Donc ça reste quand même pour du pognon. Et en tant que musicien en reconversion... Si votre boulot est menacé par une intelligence artificielle, bah, il va peut-être falloir commencer à réfléchir à faire mieux. Hein, c'est-à-dire, au bout d'un moment, c'est quand même une limite à ce genre de truc. Donc l'intelligence artificielle, bon, ça dépanne, mais c'est... voilà, c'est pas encore foufou quoi non plus. Il n'y a pas que pour les artistes et les musiciens en plus. Non, non, c'est aussi pour le code, hein, pour le développement. Mais dès que tu veux optimiser un code en C, par exemple, t'as intérêt à savoir ce que tu fais, quoi. Mais là, tout le monde en parle, mais le pire, c'est que il y en a plein qui disent que, bah, de toute façon, c'est pas très... Enfin... Tu vois, il y en a plein qui disaient, ouais, mais les artistes, ils vont pas perdre leur job à cause de l'IA. Mais c'est vrai que les trucs que tu vois en ce moment, tu te dis... Bon. En fait, ça met en relief, je vais pas en parler trop longtemps, ça met en relief un problème depuis des années, c'est la rémunération des artistes. C'est-à-dire ça fait 30 ans qu'on dit on va te payer en visualisation. Maintenant qu'ils ont de la visualisation, parce que c'est piqué par des IA, on en parle. Donc je dis, les mecs, enfin artistes de tout bord, je sais que ça serait certainement me crever les pneus, mais c'était il y a 20 ans qu'il fallait s'y mettre sur les droits des auteurs. Oh. Quoi. Donc non, ça balance. Complexe. Ah ouais, non mais aujourd'hui je balance. Jean-Luc Mélenchon. Et donc du coup ton coup de gueule, c'est sur le nombre d'articles qui pop à propos de ça, ou c'est sur les gens qui chouinent à propos de ça? Je pense que c'est par le manque de connaissances et le raccourci infacile où on dit on va remplacer tout le monde par des IA, sachant qu'il y a des études qui avaient été faites sur le remplacement et l'automatisation des jobs. Le grand remplacement. Le grand remplacement, exactement. À une époque, on comptait à peu près 52% de jobs qu'on pensait pouvoir être remplacés par des IA ou par de l'automatisation, et on est arrivé à 8%. Hein. Donc c'est-à-dire, on n'est pas sur un grand remplacement, et quand bien même on aurait du remplacement, bah, ça va dans le sens du progrès, l'objectif serait plutôt d'arriver à rémunérer chaque personne de façon convenable, comme ça on pourrait arrêter tous de bosser. Je reviens un peu trop de gauche, et ce n'est pas le thème de l'émission. T'as vu la question. En parlant de gauche et d'IA, il existe un site qui s'appelle « De droite ou de gauche ?» Tu mets un mot et il y a une IA qui te dit si c'est plutôt de droite ou plutôt de gauche. Ah, trop bien, je vais aller voir. Musicien, par exemple. C'est rigolo, je suis allé. La contre-pétrie là dans le chat, elle est sympa. Oui, l'énorme contre-pétrie, mais je connais l'origine. Merci à tous ceux qui viennent de s'abonner. Jérém, salut Jérém. Salut Jux Truster. Ensuite, nous allons passer à. Yako. Ah, c'est moi, bonjour. Oui. Bonjour. Mon coup de gueule, coup de machin, c'est ça? Bah j'ai déjà dit mais c'était off donc bah The Last of Us je vais pas faire le Yankee. On va pas faire long parce que voilà, je vais pas faire le Yankee, ça va être chiant. Mais alors j'ai fait mes devoirs, j'ai pris Amazon Prime. T'as pris le mois gratuit et nous gonfle pas. Non, j'ai pris Amazon Prime hier, non parce que je l'avais déjà cramé le mois gratuit. Donc j'ai pris Amazon Prime hier, j'ai regardé le premier épisode alors que je n'avais jamais joué au jeu, ça fait un an et demi qu'il est dans ma ludothèque. Mm-hmm. Après avoir vu l'épisode, j'ai joué au jeu jusqu'au bout de là où s'est arrêté l'histoire de l'épisode. Et je pense que je vais faire ça tous les épisodes et on en parlera plus tard, mais gros coup de cœur. Voilà, gros coup de cœur, vraiment ouf. Ok, et merci. Ben, on est entouré de gens qui n'ont pas de goût. Hein, alors vas-y, donne ton... on est entouré de gens qui n'ont pas de goût, mais aussi entouré de gens qui n'ont pas de cheveux. C'est vrai. C'est pas faux. Montre, ce crâne luisant, là. Du coup, je me mets dedans, je te rappelle. Tu es meilleur que les autres. Non, moi, c'est un peu plus d'un coup de gueule à long terme, et je m'en suis rendu compte cette semaine. En fait, vous savez très bien que j'ai énormément joué à Hearthstone et compagnie. Bien sûr. Et là, en fait, donc, j'ai passé des milliers, voire des dizaines de milliers d'heures. Et en fait, depuis septembre dernier, je me suis dit, allez, arrête d'acheter d'acheter les skins en fait, tout simplement des héros, parce que déjà ils servent à rien concrètement. Ah bah ouais. Mais je me faisais en fait une espèce de fierté d'avoir tous les skins parce que j'étais là depuis le début du jeu et tout ça. Et il n'y en a pas eu pendant 5 ans quasiment, et les gens chouinaient un peu par rapport à ça. Et là en fait maintenant ils ont vraiment compris le truc et ils se font du pognon. Déjà ils se faisaient beaucoup de pognon avant, et ils s'en font encore plus. Et en fait chaque mois, dans l'absolu, tu peux dépenser quasiment 50 euros de... Le mec qui a la collectionnité aiguë, il peut dépenser 50 euros de skins. Oui. Plus pour Battleground, enfin donc pour Battleground, plus pour le jeu standard et tout ça. Et en fait ça devient, enfin c'est pourtant j'adore ce jeu, j'adore cette licence et tout, mais je, enfin j'ai pas pour un con non plus au bout d'un moment, quoi. Ouais, c'est ça, là c'est vraiment beaucoup trop. J'ai un peu peur pour, on en a déjà parlé, mais pour Diablo 4 qui va être il va y avoir beaucoup de cosmétiques aussi, ça va être le même modèle, mais j'espère que ça va pas être trop beau parce que sinon je vais me ruiner. Mais voilà, j'avoue qu'il commence un petit peu à chier dans la colle Blizzard à ce niveau-là. Heureusement que Dragonflight est. Oh bah, il se recommence seulement, ça va. Bah, à mes yeux, à moi, j'ai un peu plus de tolérance, quoi. Je me permets, j'ai juste entendu. Je suis un gros Yankee, ça devient trop cher. Mais oui, non, oui, bah, c'est exactement ça. Oui, c'est trop cher. Je veux tout et je peux pas avoir tout, c'est trop cher. Mais c'est pas trop cher. C'est pas trop cher, c'est juste que je préfère aller faire une soirée de picole cool plutôt que avoir deux skins, quoi. Vacant d'ailleurs. Prévu, bah là c'est pas ce soir. Hein. Ah merde. C'est rigolo que tu veuilles pas acheter des skins parce qu'en fait Allez, bah parce que j'en suis déjà un, du coup je vais pas en acheter. Allez, vas-y à toi. La saturation. Arrivez-vous là. J'ai cherché le moment où placer ma blague. C'est moi avec mes cheveux, putain. Tiens, salut Jack, faudrait que tu abordes le sujet du Goon Club et les IA, c'est surtout une aide pour améliorer sa productivité et la pénibilité des tâches répétitives. Entre autres. Ouais, ouais. Mais il y a tout, comme d'habitude, il y a des détournements. Donc, ouais, comme la fission nucléaire, tu vois, à la base, c'était une super nouvelle énergie, tu sais. Ouais. Après, les gars, ils ont dit, bon, on peut faire un. Il y a un très bon film là-dessus, à ce moment. C'est surtout les artistes qui râlent, hein, c'est pas trop les codeurs, quand même, qui râlent pour le chat GPT. Hein. Alors, du coup, on a fait le tour de tout le monde, là. Coup de gueule, moi, parce que Stadia, c'est terminé. Oh, c'est un vrai coup de gueule. Non, alors, pas coup de gueule contre la fermeture, hein, même si c'est triste, il y a des gens qui vont sans doute. Il y a des gens qui sont abonnés, mec. Il y a des gens qui sont abonnés, il y a 4 personnes abonnées et il y a un peu plus de monde qui sont non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Mais encore, comme c'est Google, je pense pas qu'ils aient trop de problèmes à les recaser dans des trucs au Google Campus, hein, mais bon. Elle supprime 12 000 emplois quand même, hein. Oui, mais c'est des emplois fictifs de base. Hein, bah, c'est le mec de Stadia, je crois. Mais coup de gueule parce que depuis le début, ça sentait le sapin, en fait, l'idée. Mm-hmm. Et là, c'est officiel, donc depuis mercredi, le cloud gaming de Google s'est terminé après 4 ans à peine. Et le truc marrant, c'est que jusqu'à la dernière minute, ils ont fait croire à leurs abonnés que... Mais non, mais c'était... Allez, si ça se c'est peut... C'est un gros prank. C'est un prank parce qu'à la dernière minute, ils ont ajouté le support Bluetooth sur la manette. Ils ont ajouté un jeu dans le catalogue 3 jours avant la fermeture. Donc vraiment jusqu'au on y a cru, quoi. Peut-être que les mecs qui voulaient garder leur job et ils se sont dit on sait jamais. Ouais, est-ce que c'était de la stratégie ou est-ce que c'était du déni? Ah, c'est pour pas passer pour des cons, je pense. Déni, ouais. Je pense pas que c'est non, de la c'est vraie histoire stratégie. De dire si jamais on relance un truc plus tard. Ouais, qu'on passe pas pour des armes. Ouais, faites-nous confiance, vous voyez, on vous a quand même suivi jusqu'au bout, on n'a pas arrêté le truc. Je pense que c'est plus du déni que de la stratégie. En tout cas, pour moi, le cloud, c'est cool quand t'es en 2010 et que tu vois cloud. Ouais, merci. Le cloud. Cloud. On n'est pas dans le bassin mouillé là. Toi, tu regardes The Shield. Clad. Le Claude. Clad, c'est dans The Shield. Final Fantasy, c'est pas pareil. Non, mais c'était bien dans les années 2010 quand tu voyais c'était quoi le. Quand tu disais c'est quoi le jeu vidéo du futur, ça va être ça. Et en et fait, non. Tu faisais ça, mais non, 15 ans après, tu vois. Donc, non, mais on sait que c'était pas ça. Donc voilà, donc c'est un peu naze. Le catalogue est faible. Alors moi, j'avais pris un abo pour tester. C'est naze, ça apporte rien. Il faut avoir. Bon, ça va, j'avais une bonne connexion, mais j'imagine ceux qui ont une connexion pas ouf, bah c'était un peu de la merde. Et en fait, ce que j'aime pas globalement, je pense que c'est caractéristique de cette ère du jeu vidéo un peu merdique, du démat tout des maths ou tu n'as plus rien du tout. Et là, on en a déjà parlé des milliers de fois. Plein. Nous, on est pour le matériel. Voilà. Voilà. Bah oui. Hein, et en fait, le truc, c'est que voilà, là, les mecs, ils ont un abonnement, ils ont des jeux. Et à la fin, on leur a dit, bah, vous avez plus vos jeux. Et on va essayer de trouver des trucs pour vous les donner quand même. T'as vu le gars de RDR2 là, qui a joué donc Red Dead Redemption 2, il a passé 6000 heures, je crois, sur Stadia là, sur le jeu. Et en fait, vu qu'il y a aucun moyen de récupérer rien, ils lui ont juste envoyé un énorme pack de goodies en fait. Oui. il y a peut-être un pack de goodies qui vaut 6000 euros. C'est abusé quoi. Ça prend 6000 heures. Voilà, donc c'est fermé. Je suis content pour eux. Enfin, non. Et d'ailleurs, Online avait déjà fermé à l'époque. C'était un échec aussi. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que tout le monde va le faire maintenant. Il y a xCloud. Il y a le PS Now qui le fait. Il y a GeForce Now. Enfin, il y a plein de trucs qui arrivent. C'est bien le système où c'est la puissance de calcul est sur les serveurs de chez Google. Hein. C'était bien en fait, le principe. Tu télécharges rien. Ouais. Tu joues directement comme c'est de la VOD. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Donc ta machine, elle est juste là pour te transmettre le signal qui est fait à distance. C'est un écran. Ta machine, c'est un écran. Parce que la Switch, je le fais aussi, mais je sais pas si ça a trop marché. Bah, tout le monde le fait maintenant, donc même que ça marche ou que ça marche pas, de toute façon ils le font tous, donc la Switch. Au pire, c'est juste un service en plus. Et puis, non, mais après, je pense que si ça va faire froid dans le dos à des gens qui ne s'appellent pas Google. Donc si Google arrête, les gens disent ah, si eux ils arrêtent alors qu'ils ont la thune et les reins pour le faire. Ce qui sera rigolo, c'est quand les autres ils vont réussir à le faire alors que Google a pas réussi. Et ça s'appelle Google Plus, non? Oui. Ouais, bah écoute. Allez, on passe à Psartek ou Balek. Psartek ou Balek. Alors, nouveau format, Psartek ou Balek, hein. Balek. Je le rappelle. Comment ça marche? Je le rappelle. Pour ceux qui n'ont pas suivi, et surtout pour Jack qui ne comprend jamais. Depuis 4 ans. Je vais vous donner des news qui étaient dans l'actu ces 15 derniers jours. Si Psartek l'info, on en parle tous ensemble. Avec vous ici dans le chat. Merci d'ailleurs à tous ceux qui viennent de s'abonner en plus. Et si Balek l'info, on jette direct à la poubelle et on ne développe même pas. Un peu comme Ubisoft par exemple. Très bien, maintenant on a le droit de trash Ubisoft, très bien. Enfin, on le faisait déjà avant. Mais... Ouais, on a le droit. Non, mais je veux dire, c'est Twitch friendly ou pas? Non, on est payé par personne. Hein. j'ai dit journaliste de qualité. Non, mais Ubisoft, c'est pas un gros mot, on a le droit. Ubisoft, on a le droit. Ah bah voilà, c'est on a plus le droit de dire caca, prout, tout ça dans les 5 premières minutes, dans les 30 premières secondes d'une vidéo YouTube, sinon on est démonétisé maintenant. Ah, on en a parlé. J'aurais dû mettre ça dans les. C'est vrai. Alors, Microsoft qui licencie, tiens, bah comme Stadia, 10 000 personnes pour réduire ses coûts. Ça marche hein, en général, ça fonctionne bien. Juste avant un petit rachat par exemple de société, c'est bizarre. C'est bizarre. Hein. Et des jeux qui pourraient du coup en pâtir. Est-ce qu'on en parle? C'était quoi? C'était Halo. Pardon. Ouais. Halo. Bah. Ils faisaient Halo. Moi j'ai envie, mais bon. Allez. Oui. Mais allez, aussi Psartek. Bah ils avaient le studio qui faisait Halo. Ouais, ils ont. Ah ouais. Halo. Bungie. Mais oui, Bungie. Le rachat d'Activision donc par Microsoft n'a toujours pas avancé. Hein. On vous renvoie vers la dernière émission il y a 2 semaines. Et maintenant, c'est même les GAFA qui ont un petit peu fait pression, puisqu'on a appris que Google et Nvidia ont fait pression devant la FTC en disant « Oui, mais attention, ils vont faire des trucs, on n'est pas contents ». Donc ça commence à aller de mal en pis, j'ai envie de dire. Oh. Voilà. Et pendant ce temps, on a appris donc qu'il y avait pas plus de 10 000 emplois supprimés jusqu'à fin 2023, parce qu'il faut bien payer le deal. Hein. C'est clairement la raison, parce que le patron il a dit il faut s'aligner sur les nouveaux coûts. Donc les nouveaux coûts, ça veut dire quoi? Ça veut dire ça, hein. Exactement, c'est plus Bungie. Ouais, autant pour nous. Merci pour la correction, Alan. Ouais, en effet, 343 Industries, justement. Justement, 343 pourrait aussi, le studio d'Halo pourrait être touché par cette. Alors, on ne sait pas d'où viennent ces 10 000 emplois supprimés. Ça peut être dans plein de services. Il y a Bethesda aussi. Il y a Bethesda, surtout. Puisque on a appris aussi que le Starfield, le Skyrim de l'espace, fait par Bethesda, justement, selon les insiders, ils estiment que du coup, il serait désormais prévu pour l'été ou septembre 2023 et non plus pour le premier semestre. Une des raisons, une des causes de cette. Tiens, regarde, c'est un message spécial pour toi. Je pense que t'as un bouton à appuyer. Ah, j'y vais, on t'entend un poil moins que les autres. Bah oui, je sais, mais je sais pas pourquoi mon micro a l'air de galérer un peu. C'est parce que tu l'écoutes un poil moins que nous. Ouais, ça doit être ça. Donc voilà, donc 10 000 emplois supprimés et donc des jeux comme Starfield. Starfield, c'est pas la première fois qu'on. On va en parler tout à l'heure, non, du Vaporware et je... Oui, on va en parler de Vaporware. Ah, oh non, Starfield. Non, tu confonds peut-être avec Star Citizen, il est là. Oui, il est là, mais il sera jamais vraiment là. Tu quoi. Peux y jouer. Un Starfield, oui, c'est avec le renard à la bonne. Tu peux pas y jouer. Enfin, si tu peux, tu me dis, tu m'appelles, il n'y a pas de problème, j'achète. C'est Jean de la Fontaine, ça. Bref, non, je sais pas. Merci à Alan. C'est que le studio. Petit truc marrant, parce que tu as parlé de Microsoft, mais tu as dit GAFA. Oui. C'est les GAFAM. Non, tu dis GAFAM. Non, mais les GAFA contre Microsoft. Ah, pardon. Je fais genre, t'es nul et tu me dis, non, c'est toi qui es nul, je m'incline, merci, oui. Bravo. Donc Starfield, c'est celui avec le renard et la grenouille, là. Ouais, Starfield 64. Ouais, Starfield Adventure. Ouais, du coup, moi j'attends beaucoup Starfield parce que c'est Skyrim de l'espace, donc c'est deux trucs que j'aime bien. Mais après, oui, il y a aussi 343. Donc après 343, bon, ils font des Halo et voilà. Et puis ils font des Halo qui sont pas finis, donc ouais, j'allais dire, il faut déjà finir le dernier et puis après on commencera par le reste. J'ai lâché moi au 3, je crois. Parce que je crois que c'est Halo Infinite. J'ai lâché le dernier, au 0,5. Merci. Star Citizen, il est la meilleure vanne de l'émission pour l'instant. Moi aussi, je t'aime. Voilà. Tu m'as manqué. Donc voilà, bon, je crois qu'on a fait le tour. Mettre des pouces bleus sur les blagues, je pense qu'on devrait faire ça. Deuxième news, des chiffres du jeu vidéo de 2022, justement, avec la Switch qui est la grande gagnante cette année. Est-ce que vous voulez qu'on en parle? Bien sûr. Bah ouais. Non, si, ça prend. Si. Ah, on en a deux. On aime bien les maths, on aime Game, bien les stats. Game Industry, on va faire ça vite. Game Industry qui nous offre le bilan des ventes de jeux et de consoles pour l'année 2022 en Europe. Alors voici la liste des 10 jeux les plus vendus, aussi bien en physique qu'en démat. FIFA 23, Il est en promo, tiens. Oui. Tous, ils sont tous en promo. Tous ouais. Ceux que je vais dire, ils sont en promo déjà. Ah, oui, Call of Duty Modern Warfare 2, Elden Ring, le meilleur jeu du monde de l'année de l'histoire. C'est tout en promo, celui-là. GTA 5, FIFA 22, FIFA 23, FIFA 22, voilà. Légende Pokémon Arceus. Arceus ou Arceus, Arceus. On en parlera dans une prochaine Arceus. Émission. Arceus. God of War, Ragnarok, Lego Star Wars, la saga Skywalker. Très bon jeu. Horizon Forbidden West, Grand Turismo 7, donc beaucoup d'exclus PS finalement, c'est quasiment toutes les exclus Sony sont dans le top. Et 2022 n'est pas forcément une excellente année pour le jeu vidéo, puisqu'avec 7,1% en moins de jeux vendus durant l'année par rapport à l'année dernière. Et notez que dans ce top, on n'a pas les chiffres de Ubisoft et Nintendo qui communiquent jamais leurs chiffres de vente. Ah, je savais pas ça. En tout cas sur les jeux dématérialisés, donc c'est pas forcément fiable. Et du côté console, donc 2022, encore une fois aussi plus faible que 2021. Et au total, moins 25% de consoles vendues, soit 5,3 millions. La Switch qui trône une nouvelle fois tout en haut du podium. Elle affiche moins 15% de ventes d'une année à l'autre. La PS5 ensuite et Microsoft. Microsoft qui est Xbox qui est la seule console en hausse cette année. On a le droit de faire des bras d'honneur au on chat. On a le droit ou... de faire des bisous à Scrabble. Scrabble, c'est un jeu des maths aussi. Qui laisse une mention spéciale pour. C'est un party game. Qui laisse une mention spéciale pour la Coupe de G, qui c'est vrai qu'il est très en beauté aujourd'hui. Donc voilà, la Xbox est la seule console qui grimpe cette année. Voilà. Parce que je me demande bien pourquoi. Bah, en même temps, c'était la seule qui était en vente déjà. Oui. Voilà, en fait, c'est tout simple parce qu'il y en avait. Bah, c'est un bon argument. C'est vrai, par rapport à d'autres consoles, moi, il y en avait quelques-unes. La Switch, elle arrive à la fin là. La Switch arrive à la fin. Ouais, ils disent tout doucement que ça devient la fin. Oui, bah d'ailleurs, il y a une info qui est tombée il y a 2-3 jours là, qui disait que apparemment la Switch 2 est bien en cours, enfin, ou la remplaçante de la Switch. Mais pas de Switch Pro finalement, une Switch 2. Non, pas de Switch Pro. Finalement, ils se sont rendus compte que développer une Switch Pro, ça la ferait sortir en 2025. Ouais, en c'est 2025, mort, ouais. Il y aurait sûrement la PS6. Mm. Et donc, ils auraient toujours deux générations de retard. Mm. Donc, ils sont plutôt en train de préparer une Switch 2. Ou en tout cas une remplaçante. Et pourquoi on le sait? Parce que Nintendo vient d'appeler les fournisseurs de composants pour négocier des deals d'achat de composants, et c'est des composants qui sont spécifiquement faits pour une nouvelle génération. Ah ouais, d'accord. Donc voilà, donc ils arriveraient sans doute en 2024 sur le marché des consoles de la génération d'avant, puisque du coup en 2024 on sera déjà sur la PS5 Pro et sans doute une série différente. Donc un petit peu de retard toujours. Je veux une Wii U 2. Oui, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Le Spunk. Bah, c'était la Switch, la Wii U 2, quelque part. Ils avaient pris un écran, ils avaient pris des manettes, et puis ils se sont dit, bah, on va faire comme ça. Bah, c'est vrai que oui, on est toujours dans les stratégies de Nintendo qui fait des trucs. Sauf qu'ils n'ont pas pris un nom à la con où les mecs se disaient, est-ce que mes jeux Wii U marchent sur la Wii? Non. Et sur la NES? Bon, après, on va pas parler de la Wii U parce qu'on a un débat de 4 heures sur ça. Ouais. Mais c'est vraiment. Et puis, on va pas parler des consoles mortes, hein. Ouais, voilà. Bah, c'est une bonne machine, hein, pour ceux qui ont pu l'avoir. On m'a dit qu'on en parlait pas, non? On en parlait pas, c'est de la Balek. Moi je fais tourner Elden Ring dessus, ça marche très bien. Tout le monde s'en branle, moi le premier. Voilà. Merci Alexandre. Les plus grands pontes de Playground qui quittent les plus grands pontes d'Avignon. D'Avignon. Sur une vanne de G en D'Avignon. Voilà. Je l'ai piqué au Robin des Bois, j'ai pas de mérite. Les plus grands pontes de Playground qui quittent la boîte, donc ça pue pour un autre Vaporware, le reboot de Fable. Ah dommage. Balek. Balek. Complet. Vous aimez pas Fable? Mais non. Ah si, si. Ah, d'accord. Mais pas son reboot. Ah, d'accord. Ah, bon. On l'a pas vu encore. Mais... Bon, maintenant, ce sera hors émission, hors antenne. Non, on remarquera quand même qui dit. Je sais plus ce qu'il dit, et il dit Fable. Hein. C'est quoi, c'est Fable? Bah, c'est Fable, mon gars. Bon, bah, là, c'est... Non, je suis désolé, là, non. Là, oui, c'est comme si tu dis oui, mais bah, Metal Gear. Autant pas de Cloud, voilà. Est-ce qu'une Fable, c'est un mot français ou est-ce que c'est un mot qu'on peut américaniser? C'est un mot américain qui vient du français. Parce que Cloud, c'est pas un mot français, donc. J'accorde le point. Allez! Que tu es bâché en permanence, en fait. J'ai pas un point, non. C'est comme Chrono Trigger. Allez, un point. Trigger. John Carpenter confirme un projet de film sur Dead Space. Mais ce sera pas lui le réel. Balek. John Carpenter qui est le maître de l'horreur. Hein, ouais, c'est vrai. Balek. Et un bon musicien également. Ah ouais, ouais. Ah, Il faisait la musique de... Non, il faisait du synthé, John Carpenter. C'est lui qui avait fait notamment Assault on Precinct 13 et qui était le générique de Xenon 2. Et là, non. Là, ouais, là alors bon. Moi je le dis en français. Lui, il dit en anglais, mais c'est avec un accent comme ça. Non. Là bon. Il y a l'effort, ta gueule. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'il y a l'effort. Bon, bah tant pis, on n'en parle pas alors. Vous vouliez en parler dans le chat? Dites-le dans les commentaires. Twitter ému en découvrant le brevet de Sony qui demande aux gens de se lever et de gueuler le nom d'un annonceur devant l'écran pour zapper une pub. Est-ce que vous voulez que je vous parle de ce brevet? Ah oui, c'est, oui, oui, ça c'est marrant. Franchement, Zartek. Ouais, bah écoute, vraiment, je valide. C'est drôle. Alors, c'est, non, mais c'est marrant parce qu'en fait, c'est comme d'habitude, c'est Twitter qui a monté en épingle une connerie qui. Voilà. Donc il y a quelques jours, il y a eu plus de 21 millions de personnes qui ont vu sur Twitter ce brevet déposé par Sony, qui apparemment vous impose de crier le nom d'un annonceur devant sa télé comme ça, pour mettre fin à une pub, mais on a regardé de plus près, en tout cas moi j'ai regardé de plus près, et en fait ça fait partie de ces très nombreux brevets que Sony il dépose tout le temps. Il y avait notamment un brevet pour jouer à la PlayStation avec une banane par exemple, c'était un des brevets qu'ils avaient déposé. Bon. Et après ils ont fait la Wii. Après ils ont fait les tam-tams de, c'est ça. De Donkey Konga. Très bien, Donkey Konga. Et en fait, c'était un brevet en fait qui a été déposé en 2009, qui a été validé en 2012 et c'est seulement maintenant qu'il ressort. Globalement, c'est pas un truc comme on le dit. En fait, c'est une technologie qui demande au spectateur de dire le nom de la marque à haute voix devant son écran pour s'assurer qu'ils ont bien vu la pub et ainsi reprendre. Ah mais regarde, si tu le faisais avec Danette, c'était tout le monde se lève pour Danette et bim. Tu te levais. Ça marche. Ouais, non, ça, ça fonctionne. Ça, ça permet de retenir, ça, c'est vrai. Bah, et les Banga aussi, tout le monde criait Banga dans la. Et il y a de l'eau. Oui, mais pas trop. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'on va avoir des. Juste ce qu'il faut. Et Andros, ça c'est fort de prix, voilà. Voilà, on va tout le faire. Est-ce qu'on va avoir du merch pour la prochaine émission? Si vous en avez d'autres, voilà, si on peut avoir des sponsors d'ailleurs, virement, Banga. Ouais, Andros, moi je valide. Hein. Bien sûr. Donc après avoir étudié ce brevet en question, dans une de ses méthodes décrites sur la photo qui a été partagée, Sony explique que c'est une publicité diffusée ou transmise en continu et accompagnée d'un segment interactif. Un lecteur de médias couplé à la source identifie donc l'existence de ce segment interactif et présente à l'utilisateur un mini-jeu publicitaire amélioré et interactif. Encore une fois, il y a beaucoup d'interactivité qui peut être joué avec d'autres téléspectateurs d'un interactif. Groupe démographique interactif. Le brevet explique donc que cette technologie est similaire à un mini-jeu interactif qui pourrait être connecté à votre télé via un network américain comme CBS, NBC interactif. Ou Hulu. Interactif. Ou encore une PS3, je rappelle que ça date de 2009. Je rappelle que ça date de 2009, donc c'est une PS3. Et donc, durant le contenu vidéo, une barre de progression indique au téléspectateur à quel moment la pub interactive sera diffusée, et lorsqu'elle est affichée, il peut choisir d'y mettre fin en donnant le nom de l'annonceur sans avoir à se mettre debout, à lever les bras comme sur l'illustration. On sait pas pourquoi ils ont mis ça, du coup. En contrepartie, il obtient donc une petite récompense, par exemple un bon de réduction chez KFC. Mmh. Oh la wow. Pourquoi pas une petite balèque en fait. Non, mais c'est pas rigolo quoi. Il y a Tourge qui dit balèque de Dead Space ou de Carte Panther. Bah, Dead Space, il faut quand même être réaliste. Pourquoi on a dit balèque? Je pense qu'on est tous d'accord. De Dead Space Non, Dead Space ou balèque. Et... Non, mais c'est surtout, c'est pas lui qui va le faire. C'est oui, pas Carte Panther. C'est pas lui qui va le faire. Et en plus, il a juste annoncé le truc. Il y a vraiment pas beaucoup d'adaptations de jeux vidéo au cinéma qui valent le coup. C'est non. Vrai. Donc, est-ce qu'on vraiment. Ni en série d'ailleurs. Très bonne émission d'ailleurs de Crost. Crost. Ouais. Cross, Karim, Chroma. Bisous. Ouais, c'est vrai. Comment ça plaît encore Karim Debbache. Karim Debbache, bah, Karim Debbache, qu'on salue. Merci Karim. Karim, si tu nous regardes de là où tu es. Bah, chez lui, sans doute. Certainement, j'allais dire de ton fauteuil. Voilà. Toi, tu connais pas forcément ses rapports à la coupe de cheveux. Ça suffit, ça suffit. J'ai pas. Si, tiens. Rainbow Six, un film avec le mec qui réalise John Wick. Balek. Pour la même raison. Ouais. Alors que John Wick est quand même. Non, John Wick c'est bien. Arrête, John Wick c'est rigolo. Mais alors, n'insiste pas. Attends, non, mais j'ai un peu abusé. C'est pas, évidemment, c'est pas le jeu Rainbow Six. C'est le bouquin de Tom Clancy, ouais, ok. Un gars. J'aimerais bien en parler parce que c'est rigolo. Balek. Voilà, Balek direct. Un gars s'auto-swat en appelant le 911 pendant une partie de Rainbow Six. Raconte-nous le truc, on t'interrompra déjà, pas. Je pense qu'il faut expliquer le SWAT. Je pense que tout le monde sait pas. Le SWATing, c'est vrai. Alors, bah, le SWATing, pour ceux qui savent pas, donc c'est une grande, c'est un sport national en Amérique notamment. C'est-à-dire que quand quelqu'un joue à des jeux vidéo et est un petit peu connu sur Internet, sur Twitch et les réseaux et tout ça, on s'amuse à appeler le 911, donc le 911 américain, donc la police, en tout cas le SWAT, donc les unités d'élite, en disant qu'il a tué sa femme ou je sais pas quoi, et donc du coup en plein stream. Il y a la police qui sonne à la porte et qui défonce la porte. Oh, il sonne pas. Oui. Il y a le fameux le coup du FBI, open up. Voilà. C'est ça. Je l'ai pas, mais voilà. Et donc, Elijah, un joueur. Déjà, il s'appelle Elijah, donc il mérite. Un joueur de Rainbow Six Siege s'est fait swatter. Siège. Mais là, je fais exprès là. Putain, mais. S'est fait swatter, donc c'est un rare cas d'auto-swatting. Il jouait avec un ami. Il s'est assis sur son téléphone et il a contacté par ailleurs les autorités, le 911 aux États-Unis. Les forces de l'ordre, prenant très au sérieux son appel, ont décidé d'intervenir après avoir entendu le jeune homme dire avoir tué deux personnes. Sauf que, bah, sans avoir le contexte, la police s'est présentée à sa porte. Bon, enfin, au bout de la rue. Une fois qu'elle était tombée, la porte. Ordonnant. Non, non, ils étaient au bout de la rue avec des FAMAS, pas des. leurs armes. Pas des FAMAS, ouais. Ouais. Ok. Et voilà. Et donc, du coup, il a dit, il a levé les mains en sortant en disant c'est une erreur, c'est une erreur. Il y a la caméra de surveillance au-dessus de sa porte qui a tout filmé, donc la vidéo est assez. Virale. Saugrenue et virale. Interactive. Et interactive. Et il a eu beau s'expliquer qu'il s'agissait d'une erreur, donc, ils ont pas cru. Il a été placé en détention devant sa maison, restant quelques heures en présence des forces de l'ordre, le temps de procéder à une levée de doute. Et il déjà a eu la peur de sa vie, puisque comme c'est les USA, il s'est fait braquer par une arme automatique sur la tempe pendant quelques minutes, le temps qu'il lève le doute. Et puis je pense qu'Elijah n'est pas un blanc américain, un wasp. Ah si, Elijah est un wasp. Ah, rien, il risque mais rien. C'est alors. Pour ça qu'il a été relâché. Oh, c'est Ah, ça dénonce aussi, hein. Ça dénonce, hein, cette démission, elle est politique. Hein. Donc il a vite compris en fait que la police allait comprendre l'erreur quand un officier lui a demandé pendant sa garde à vue sur le trottoir devant chez lui, quel est ton opérateur préféré. Et là, il parle pas de SFR, mais il parle de l'opérateur dans le jeu. Donc voilà, comme quoi les Américains, ils sont intelligents. Donc je sais pas, j'ai pas de truc pour finir cette. Voilà. Attends, il y a la police devant chez toi là. Ouais, comment il s'appelait le groupe, la Green Day là, American Idiots, voilà. C'est ouais. Non, non, sans, s'il vous plaît, non, mais faites attention, juste faites attention quand vous jouez. De pas vous asseoir sur votre téléphone, tout simplement, hein. C'est un message déjà, de prévention. Il n'y a pas de grosses fesses. J'allais dire, tu sens qu'il y a un truc dur quand même en dessous de mais ton alors, attends, non, pas forcément. Alors, qu'on explique, parce que, attends, asseoir sur son téléphone, à l'époque où il y avait des touches, d'accord, mais maintenant que c'est tactile, ça veut dire qu'il était cul nu. C'est trop tard, mais je voulais mettre. Un peu comme ma bite. Bah oui. Ouais. Hein, t'as capté ou t'as pas capté? Ah, j'ai pas écouté. Les téléphones sont tactiles. T'as déjà essayé de te mettre assis avec ton cul avec un pantalon? Non. Donc il était cul nu. Est-ce qu'un bout de tissu peut être capté sur le téléphone? Ça touche pas, ça capte pas quand c'est tactile. Déjà, quand t'as des moufles et que c'est tactile, ça marche pas. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire? Il était cul nu. Bah oui, sûrement. Bah c'est oui. On essaye de rendre ça rationnel. Je vous en donne. On essaye de rendre ça rationnel. Sûrement raison. Voilà, voilà. Non, donc il était à poil. On debunk, ici toutes les infos. C'est ça aussi le journalisme de proximité. C'est la science également. Alors, est-ce qu'on a un petit peu de temps? Un tout petit peu. Allez, le studio à l'origine du film Mario qui serait en train de préparer un film Zelda maintenant. Ah oh bah, Xartek. Monsieur l'arbitre. Xartek. Monsieur Matisse. moi, je m'en bats les couilles, mais. Non, Xartek. Alors, j'attends de voir. Bah, si Jack, c'est toi qui décides. Ah non, mais c'est du Nintendo, alors du coup, je suis obligé de. Mais je sais pas. T'es obligé de dire oui. Ça, c'est mon bête. Bah ouais, ouais. Bah ouais, mais bon. Allez, vas-y, on voit ton truc. Ok, on commentera pas. Pas de spoil, hein. On pense tous ici que le film Mario sera sans doute enfin la bonne adaptation. Oui. Voilà, du jeu vidéo. Et des rumeurs indiquent qu'Illumination, le studio. Alors, je vais dire Illumination parce que c'est un studio français à la base. Ah, à l'origine du film. Pourrait maintenant s'occuper de Zelda. Selon les sources de Giant Freaking Robot, cité par Go Nintendo, le projet The Legend of Zelda Movie serait un long métrage d'animation en collaboration avec Nintendo. Des infos pour l'instant à prendre avec des pincettes. Grain of salt. On a une alerte fake news dans le chat. Hein. Méga fake, dit Chronica. Potentiellement fake, je pense aussi. Mais des infos pour l'instant donc à prendre avec des pincettes. Et Nintendo, en fait, Nintendo chercherait à se rapprocher quand même du secteur cinéma. Ils ont leur propre studio de production. Et on sait qu'ils ont quand même envie de faire pas mal de productions. Donc pourquoi pas? En sachant que. On va se taper tous les trucs des fanboys Nintendo maintenant, quoi. En sachant que Zelda a seulement une série animée en 89 qui est grande source de mèmes sur internet. Oui. Vous-même, vous savez. Mais alors du coup. Moins que la version CDI, mais. On peut poser des questions quand même après au chat, à savoir qui on prendrait comme acteur pour jouer Zelda. Il y a vu. Personne ne réagit parce que Zelda est une fille. Non, non, mais il y avait une IA qui avait fait des images générées de Tom Holland en Link. Eh ben putain, c'est quoi ouais. Tom Holland. Oui, et ouais, c'était ouais. Celle de c'était Hermione là en oui. Comment ça s'appelle Emma Watson en Zelda ouais. Oh non, Emma Watson en Zelda. Non, ça bah, rendrait bien. Hein. Emma Stone en Zelda. Est-ce qu'il y a une autre Emma Domas? Emma Domas. Ouais. Emma sœur aussi, elle est pas mal. Il faut la mettre en actrice. Oui, mais dans un milieu un peu plus dark. Forcément je connais pas. Non mais qu'est-ce qu'on pourrait voir dans Link? Ouais, faudrait voir. Ouais. Non, pourquoi pas. Non mais le moi Tom Holland dans Link, ça passe. Ouais. Facile hein. Un gamin quoi. Franchement ouais non. Moi, j'aurais pris Vin Diesel mais bon. Bah c'est vrai que il y a 20 ans, ça aurait pu être le mec là comment s'appelle Shia LaBeouf. Mais il y a 20 ans maintenant, oh, regarde Jack Black en Link. Jack franchement, Black en Link, Jack Black en Ganon. Non, mais en Ganon par contre. Ouais, en Ganon, Jack Black, ouais. Mais non, mais justement, tu le fais en version un peu troll avec Jack Black en Link. Mais bon, bref, ouais, vous n'êtes pas drôle. Pour rappel, Illumination, c'est aussi moins moche et méchant. Bah oui, Illumination, c'est... ils ont fait plein de grands. Sur un petit Suisse, sont écrasés. Non, je lis pas la suite parce que voilà. Jack Black en ligne, c'est validé pour toi. Eh ben écoute, tu enverras un courrier d'ailleurs à Illumination et puis, ou à Illumination, ouais. Et puis tu leur envoies la réponse. Et ben voilà, on a trouvé, merci ce virement Illumination hein, pour avoir fait le travail. Eh ben pourquoi pas. Pourquoi pas. Si on tape dans les acteurs français, on va chercher Gérard Depardieu. Oui, bien sûr. Là, on est bon. On refait Astérix en fait finalement. Ouais, on fait Astérix, ouais. Christian Clavier, oh, bah du coup. Astérix en... à Hyrule. Non, le machin vert là qui vole des roupies en Christian Clavier là. Tingle. Tingle là, le truc là. Ouais, mais du coup en français, c'est qui Zelda? Parce que si vous me dites Camille Lelouch, je casse un truc. Hein. Zelda, non, Monica Bellucci. Non, non, je suis toujours sur le. Inès Reg. Inès Reg. Quoi? Non, la jeune, la merde. La jeune merde? Voilà, la elle. Jeune merde. Elle, là, okay. Celle. Xarkrapolos, là. Adèle. Adèle. Adèle Xarkrapolos, voilà. Ah, Balasco. En Ganon, toujours. En Ganon. Emma Stone serait pas mal. Link, Toby, bien évidemment. Bah oui, bah oui. Ah, Toby Maguire, ouais, carrément. Il est vieux maintenant. Tu fais Andrew Garfield et Emma Stone, du coup. Comme ça, tu fais le Spider-Man 3 qui a jamais vu. Ouais, franchement. Non, mais bah, ça se barre avec vos films. Bon, allez, une dernière news si on a le temps. People Can Fly de Gears of War, qui est sur un jeu de science-fiction, mais pour une exclue PS5. Balèque. Non, balèque. Voilà. Ok, merci à tous. On n'a pas le temps, voilà. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de notre émission. Restez présents et vous êtes très nombreux encore une fois. Vous êtes une vingtaine en direct, là c'est magnifique. Dans un quart d'heure, on va parler des Vaporware d'Ubisoft, de la série The Last of Us. Préparez à nous dire ce que vous aimez dans cette série, ou si vous ne l'aimez pas, dites-le nous aussi. On va aussi avoir en interview la voix française de Liquid Snake. Juste après notre pause musicale, puisque comme à chaque émission maintenant, on va découvrir une petite musique du jeu vidéo remixée. Cette semaine, c'est la Suicide Mission de l'OST de Mass Effect, qui était un magnifique jeu. La Suicide Mission qui a été remixée de façon épique par un youtubeur qui s'appelle Sam Garon, et on arrive juste après. merci à Sam Garon de nous avoir prêté. Pas du tout, j'ai été le piqué sur YouTube. Évidemment. Il me fatigue le mec à côté. Hein. Ouais, et... c'est vrai. Ah, moi, je suis dedans, moi. Sam Garon, donc, qui avait réorchestré de façon épique cette OST magnifique de Mass Effect, jeu que j'espère que vous avez tous. Auquel vous avez tous joué. Ouais, magnifique. Mass Effect, magnifique. Et non, bah c'est dommage. Tu as loupé quelque chose. Sauf Andromeda, on en parlera pas. Voilà, oui, sauf Andromeda qui ne fait pas partie. Qui n'existe pas. Alors, pas de chronique cette semaine, mais on en parlera tout à l'heure. Il y aura une chronique dans deux semaines avec. Dans un mois. Pas de chronique cette semaine, mais une interview. Alors, je préviens tout de suite, l'interview a été enregistrée vendredi parce que Stéphane Cornicard, et vous vous en doutez, un comédien très occupé. Je voulais pas l'embêter un dimanche matin. Et surtout, je savais qu'on allait parler longuement avec lui. Et je me suis dit, voilà, on va pas faire une heure avec lui dans l'émission. Donc, j'ai pu m'entretenir avec lui sur son parcours, sur ses voix, etc. Et je vous propose donc un petit condensé aujourd'hui en exclusivité pour l'émission. L'interview complète sera diffusée vendredi prochain, le 27 janvier, pour ceux qui nous écoutent en podcast. Notez bien, 27 janvier à 20h sur la chaîne YouTube JV. Stéphane Cornicard, c'est qui ? Eh bien, vous le connaissez tous, puisque c'est la voix de Liquid Snake dans Metal Gear, de Gabe Logan dans Siphon Filter, de Spyro le Dragon, ou encore du G-Man dans Half-Life 2. Alors, c'est non limitatif, puisqu'il y a quand même une voxographie qui est assez grande. Des voix qui ont bercé l'enfance des gens ici, de nos auditeurs sans doute. D'ailleurs, est-ce qu'on lui dit souvent ça ? Écoutez. Oui, c'est marrant, je reçois encore à peu près 2, 3, 4 emails par semaine. Mais sur le début de ma carrière, sur ça, sur Metal Gear, il y a beaucoup de fans purs et durs de Metal Gear. Donc je reçois beaucoup de trucs sur Metal Gear, je reçois beaucoup de trucs sur Gabe Logan aussi. Et il y a souvent des gens qui me disent que pendant leur adolescence, ils m'écoutaient plus que leurs parents. ce qui est en même temps flatteur, c'est agréable, mais j'ai été surpris du nombre d'heures qu'ils ont pu passer. Il y en a certains qui étaient vraiment très très gros au point de vue gameplay, hein, je veux dire. donc je reçois toujours. Donc oui. En même temps, c'est bien. Ça garde le truc vivant. Je suis arrivé sur le marché du jeu vidéo. Puis j'étais vraiment, moi, c'était une formation d'acteur que j'avais. Pas de doubleur. J'avais eu la chance d'obtenir un contrat pour être la voix du Cartoon Network. Oui. Donc pendant 6 ans, j'étais la voix d'antenne du Cartoon Network. Donc ça voulait dire que je pouvais vraiment faire les conneries que j'ai l'habitude de faire. C'était partir dans tous les sens. C'était des voix de personnages. C'était vraiment vraiment c'était à donf comme ça. Et donc quand Olivier Deslandes qui était responsable du doublage de Metal Gear, la localisation de Metal Gear m'a demandé de participer et de faire Snake. Ça faisait déjà un moment que je faisais du jeu vidéo. Rarement des cinématiques, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment de cinématiques encore. C'était surtout du gameplay. Mm-hmm. Mais bon, j'ai sauté sur l'occasion, parce que oui, un perso comme ça, déjà, on est... Oui. Ça fait un moment que je jouais dans les jeux vidéo, surtout avec SDL qui était une compagnie de localisation. Et en fait ils faisaient toutes les langues et ils étaient basés à Londres et ils faisaient toutes les langues. D'accord. C'est pour ça que j'ai travaillé sur Spyro, j'ai travaillé sur plein de titres comme ça. Ensuite les choses ont beaucoup changé. Maintenant je fais peu de choses en français vraiment. C'est plutôt rare. Maintenant je fais plutôt directement vers l'anglais et donc des créations plutôt que des localisations. D'accord. Oui, donc, comme toi, John, finalement. C'est vrai. Donc Stéphane qui est de Normandie, il me semble. Oui, tout à fait. De base. Et du coup, voilà, qui bosse un petit peu plutôt sur les voix anglaises maintenant. Outre-Manche, donc. Outre-Manche, évidemment. Sa voix la plus emblématique pour les joueurs, c'est celle de Liquid. Et pourtant, 30 ans plus tard, peut-être vous vous en souvenez, on considère autant le jeu comme culte que son doublage catastrophique. C'est vrai, et que j'ai réécouté et que c'est vraiment pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Et je lui en ai parlé, je lui ai demandé comment ça s'était passé. Metal Gear, le premier, donc solide, malgré tous ses défauts dans la version française, et il y en avait, est devenu en quelque sorte culte. Un peu étrange parce que, quelque part, on travaillait tellement dans le noir par rapport à ce titre-là. On avait le metteur en scène avec nous. On avait très, très peu d'indications par rapport à la proximité des personnages, par rapport à certains contextes, etc. Donc, il y avait le directeur, il y avait trois traducteurs. On était à Abbey Road, mais on était tous un peu dans le noir. C'est pour ça que par moment, on a des situations dans le doublage où on est vraiment à porte-à-faux, parce que nous-mêmes, on savait pas exactement la situation. On n'avait pas de contexte. Et en plus, on avait un metteur en scène donc japonais qui était très mainmise. Mmh. Mais ne parlant pas le français, il écoutait le son, mais il comprenait pas ce qui se disait. Il y a certains acteurs où, en fait, on les a vraiment poussés dans une direction où ils n'étaient pas nécessairement... c'était pas nécessairement la direction du personnage. Mmh. Moi, j'ai eu énormément de chance avec le mien. Il m'a en quelque sorte, dès la première heure d'enregistrement, il m'a en fait laissé main libre. Mmh. En fait, je pouvais faire vraiment ce que je voulais, à part les contextes qu'il me donnait, parce qu'il voulait vraiment un personnage qui était complètement torturé, liquide, qui était mécontent, méchant, à la fois frustré, à la fois triste à l'intérieur. Bref, il y avait plein de nuances. Et pour moi c'était le rôle de rêve parce que je pouvais vraiment faire ce que je voulais, je pouvais partir dans la tu as brisé mon rêve de vengeance. Voilà, il y avait vraiment ce côté de jalousie de qui était fantastique. Il y en a beaucoup qui en fait après surtout quand il y a eu les premières critiques qui sont arrivées, qu'on trouvait ça un peu injuste par rapport à eux. Où en fait on critiquait leur jeu alors que eux n'avaient pas eu le choix. Oui, c'était la direction qu'il fallait critiquer. C'était la direction, c'était le manque de contexte, c'était tout ça. Voilà, comme dit Sima dans le chat, là, le fameux doublage désavoué de MGS1 qui était fait par les directives de Konami, de doubler à la Rambo, c'est ça. Ça fait un peu amateur quand même. Bah à l'époque, voilà. En plus, comme je lui disais, après j'en ai parlé dans l'interview, mais je lui disais, voilà, c'est un peu une époque où c'était un peu le début des vrais doublages complets avec avec des vrais acteurs sur des... C'était pas tout le temps qu'il y avait tout le jeu qui était doublé, quoi. Oui, donc, surtout voilà. En français. Mais c'était un peu les débuts, donc voilà, on s'est un petit peu cherché sans doute à l'époque. Stéphane, c'est aussi la voix de Maximilian dans Overwatch, de Luen Cœur de Lion dans Warhammer, des personnages aussi dans d'autres séries mythiques. Alors, comme... Maximilian dans Overwatch. Ouais. Il y a un français, je pense d'ailleurs, qui doit avoir. Mais c'est un accent peut-être. Il a un espèce de masque chelou. Oui, il a un masque, le masque de fer un peu, ou le masque d'Iron Man. On joue ce perso là. Non. Moi, je le joue pas personnellement. Il y en a beaucoup hein, en même temps. Donc Luen Cœur de Lion dans Warhammer, des personnages aussi dans d'autres séries mythiques comme Dragon Age, Total War, Raum dans Primal, Daniel Fortesque dans Medieval et plus récemment l'Inquisiteur dans A Plague Tale où il a vraiment pu s'amuser là-dessus. Déjà c'était un gros personnage, c'était le boss ultime, un vieux de 75-80 ans, complètement décrépit, qui est le chef suprême de l'Inquisition, qui est complètement dans son truc, mais en même temps possédé en quelque sorte par une entité. Donc en fait il y avait la voix du personnage qui est comme ça, qui est vraiment et qui a un côté légèrement sadique en même temps. Un côté très posé, très religieux. Mais de l'autre côté, il y avait aussi une autre voix qui était derrière. C'était la voix de la possession. Mmh. Et en fait, l'intéressant, c'était que dans l'arc de progression du personnage, au début, il parle tout le temps comme ça. Et de temps en temps, il y a un petit bout de phrase qui ressort et qui est de l'entité. Ouais. Et plus on avance, plus l'entité prend de... Dessus. Donc je pense que ça c'est un des personnages qui m'a beaucoup plu, qui m'a vraiment beaucoup plu. J'aime beaucoup le personnage de Maximilien dans Overwatch parce que il est suave. C'est quelqu'un qui danse sur le bord d'un volcan. Il est, je sais pas comment on dit en français, mais l'expression anglaise c'est un will a deal, c'est-à-dire il est constamment en train d'essayer de faire des deals avec les gens, et une fripouille. Ouais. Sinon, un autre qui m'a beaucoup que j'ai adoré, c'était Gavlan. Ouais. Lonesome Gavlan dans Dark Souls. Gavlan, en fait, c'est le dernier de sa race. C'est un nain qui ne pense qu'au combat et à boire, peut-être pour noyer sa solitude et sa tristesse. Alors, il parlait comme ça, Gavlan. C'était Gavlan will, Gavlan deal. Voilà, il est constamment dedans, etc. Ouais. Et j'ai adoré jouer Gavlan. Mais ça s'entend. Stéphane, qui est aussi là. La voix de Napoléon dans Napoléon Total War. Il est assez... Mais en anglais, je crois. Et il est assez habitué au jeu de Creative Assembly, d'ailleurs, puisqu'on a pu parler un petit peu de cette voix, justement, un peu particulière, parce qu'il l'a doublée dans plusieurs langues. Et il a juste failli nous révéler aussi la sortie d'un prochain opus de Warhammer. Donc, écoutez. C'était marrant, parce qu'ils m'ont contacté d'abord pour faire la version anglaise avec un accent français. Donc, ça, c'est fait, etc. Et pendant la session, ils m'avaient posé plusieurs questions assez pointues, parce que, déjà, c'était marqué sur mon CV que je parlais plusieurs langues, etc. Et à la fin de la session, ils m'avaient dit, voilà, ce qu'on voudrait, c'est vraiment, puisqu'on aime la performance que tu as fait, on aime ce que tu as fait, donc on voudrait que tu fasses toutes les autres langues. Alors, c'était ce qu'on appelle IFIGS. IFIGS, ça veut dire English, French, Italian, German, Spanish. Mm-hmm. Donc, c'était vraiment les cinq langues européennes de base. Donc. Et il y a eu des négociations, bien entendu, avec l'agent, avec les caches pour les cachets et tout ça. Et puis, alors, c'est ça qui est marrant, c'est que je n'avais pas compris, c'est que les Italiens ne considèrent pas que Napoléon était français. Les Italiens voulaient un Italien, justement, parce que pour eux, Napoléon est italien et n'a pas l'accent français. Corse italien. Voilà. J'ai fait l'allemand, l'espagnol, le français et l'anglais. Mais avec un accent français à chaque fois? À chaque fois en mettant un accent français. Ouais. Mais je n'ai pas fait l'italien. C'est le reste. Le désespoir de ma vie de ne pas avoir fait l'italien. Non, je plaisante. Mais c'est vrai que moi, je disais, bon, en plus, je parle pas mal l'italien. Je me disais, mais enfin, ils vont... Ben non. Oui, non, c'est non, dommage de recaster quelqu'un alors que... Voilà. Ben ouais, en fait, j'ai pas écouté la version italienne. Ça se trouve, l'acteur était très bien, hein, probablement. Donc voilà, j'en ai parlé, plein de voix. On vous a entendu dans plein de jeux, notamment Luen, Cœur de Lion aussi dans Warhammer, une franchise qui parlera beaucoup à certains sur notre plateau durant l'émission. Ouais. Ah oui, mais j'ai pas le droit d'en parler, merde. J'allais dire quelque chose, mais j'ai pas le droit d'en parler. Oh, ça reste entre nous. Bref, ouais, ça reste entre... Bref, ouais, il y a quelque chose qui va sortir par rapport à Warhammer bientôt, et j'ai la chance d'être de ne pas être très loin. Voilà. Voilà, la petite exclue, comprendre qui pourra, la petite exclue. C'est la classe, là. Je vais tout de suite contacter Tom Anderson. On pour a le talent. Dire, on a le talent. En tout cas, on le recevait aussi pour parler de son prix, un prix ultime au Voice Art Awards, l'équivalent des Oscars de la voix off aux USA. C'est pour ça qu'on a été en contact. Il a été le premier Français nommé et le premier Français à recevoir le prix de la voix de l'année parce que depuis quelques années, il est surtout doubleur donc pour des personnages anglophones. Avec un discours qui lui a permis de mettre en lumière le harcèlement scolaire, il se livre dans l'interview complète que je vous invite à écouter encore une fois vendredi 27 janvier à 20h en intégralité sur la chaîne JV. Ça dure à peu près une petite demi-heure. Et pour ceux qui veulent mettre un visage sur cette voix, je vous invite à vous souvenir de la scène dans « Il faut sauver le soldat Ryan ». Vin Diesel, à un moment, prend un enfant dans les bras d'une maison dans les décombres et Tom Hanks le remet à son papa français, dans cette maison. Et ben c'est lui. Voilà. Je pense que cette scène pourrait parler à plusieurs personnes. Merci beaucoup à lui, en tout cas, pour avoir été le premier invité de Super Radio Bros et donc le parrain de l'émission qu'il a accepté gentiment. Oh, ça c'est classe. Il a l'air super sympa. Il a l'air adorable. Ouais, merci, franchement. Merci encore beaucoup à lui. Et 30 minutes en sa compagnie en vidéo à écouter le vendredi 27. À 20h sur YouTube, les liens dans la description de la vidéo et ou dans le podcast que vous écoutez en ce moment. Et dans 2 semaines, donc, et dans 4 semaines, ce sera Jack qui fera la chronique musique. Il 2 semaines déjà... ou un mois ? Dans 4 semaines ? 4 semaines, ouais. 4 semaines. Dans 2 semaines, je sais pas, ce sera l'un de vous deux. Sûrement moi, ouais. Ouais. Sûrement, ouais. Jay pour changer un peu. Et puis après, Jack qui fera la chronique musique. Il y a déjà tout préparé, donc on peut le teaser un peu. Ça parle de quoi ? Ça parlera de quoi ? Ça va être très très dur de passer après l'interview d'un type qui est sympa, ce qui est le contraire de moi. Non, on va essayer de parler un petit peu de la technique derrière les enregistrements et les créations de musique de jeux vidéo depuis la Famicom jusqu'à peu près le milieu des années 90. Mm-hmm. Et donc avec également des noms tels que. Alors Chris Welbeck pour l'Amiga, Olaf Gustafsson également pour l'Amiga avec Koji Kondo. Bah, là c'est plein de gens que vous connaissez ou pas. Et puis du coup bah, ça vous permet de regarder un petit peu. Et également on va parler des logiciels permettant de faire ce genre de musique, donc tels que Milky Tracker, Family Tracker et LSDJ. Très bien. Et ben Michel Welbeck dans un mois sur. Michel Welbeck, je me suis planté. C'est Chris Welbeck. Je pensais à l'attaquant d'Arsenal et du Real. Je sais que tu en pensais à un, mais je sais pas lequel. Je pense que je vais corriger dans les 5 prochaines minutes parce que je suis sûr que je me plante de nom. Donc, Super exclu, Tazarbal. Merci, merci pour les retours sur l'interview. Attends, d'ailleurs, sur le format YouTube que tu vas mettre, c'est genre en facecam et tout. Ouais, c'était un facecam, on a fait un zoom et du coup, c'est un facecam avec lui. Donc voilà, une petite demi-heure et où il nous parle un petit peu de tout ça. Là, j'ai coupé un petit peu pour faire le plus rapidement possible, mais on parle de toutes ses voix, on parle de ses voix aussi anglophones qu'il fait, on parle du prix qu'il a reçu notamment. Donc tout ça, ce sera le vendredi 27 à 20h sur YouTube. Et donc, il lutte contre le harcèlement scolaire également, parce que c'est vrai que c'est assez rare pour être alors, noté. C'est pas qu'il lutte, c'est que lui, il a été harcelé, mais bah, je vais pas refaire ce qu'il dit. Mais bien sûr, on verra ça vendredi prochain. Mais en gros, il a été harcelé. Il a subi, et puis du coup... Et il a profité de son discours d'acceptation pour mettre un petit peu en lumière ça, donc voilà. Bah c'est tout à son honneur. Et il a crié, quand il a reçu son prix, il a crié devant les Américains, donc je lui ai dit... Il y a 2 Français comme ça qui ont crié à Hollywood devant les Américains en recevant un prix, c'est Jean Dujardin et c'est lui. Donc voilà. Ah, donc il va jamais 203, donc j'y vais peut-être le prochain Oscar. Allez, on passe tout de suite au reste de l'actu. Les restes de l'actu, c'est quoi? C'est notre gros débat. Nos gros débats. On va prendre un peu plus de temps pour discuter des news les plus importantes de ces 15 derniers jours. Et notamment les vaporware. On va parler un peu des vaporware, les arlésiennes du jeu vidéo. Oui, on a déjà parlé dans la deuxième saison, dans la troisième aussi, peut-être même dans la première. Dans toutes, je crois bien. Ouais, je crois. Hein. C'est bien la preuve, ça a pas bougé du coup. Ah bah non. C'est toujours pas sorti. Malheureusement, pas sorti. Alors on en parle parce que plusieurs news durant ces 15 derniers jours qui sont succédées. Tout d'abord, Ubisoft qui a délivré un rapport annuel très compliqué, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils espéraient attendre 400 millions d'euros de profit sur l'année. Finalement, ils ont 500 millions d'euros de pertes. Aïe. Voilà. Il y a 1 milliard de différentiel. Ah, voilà. Le studio qui est en crise et qui vient donc de retarder ou d'annuler ses jeux. Hier, on a plus la com un peu désastreuse de Guillemot. C'est ça. Du coup, la com désastreuse de Guillemot a fait qu'il y a eu la grève derrière en plus. Donc tous les salariés, enfin il y a eu un appel à la grève des salariés par un syndicat. Hier, on a appris aussi l'annulation de Project Q, qui était un titre multi, donc un Fortnite de Ubisoft, qui sortira jamais. Et j'ai envie de dire un peu tant mieux. Surtout, on avait appris le nouveau report du jeu de pirates Skull and Bones aussi, l'annonce du 6e report de ce jeu, et des chiffres qui font craindre pour l'avenir du studio. Alors certains disent, voilà, le studio est mort. Mais ce dernier se veut rassurant quand même, hein, le titre sortira maintenant entre avril 2023 et mars 2024, normalement plutôt au début de cette période. Ubi annonce que le jeu n'est pas annulé, contrairement à d'autres. Dans la foulée d'ailleurs, alors qu'on faisait tout le rapprochement avec Beyond Good and Evil 2, Ubi a aussi donné son avis, sans qu'on lui demande d'ailleurs. Ubisoft a dit qu'il continuait à faire preuve d'une prudence accrue dans les années à venir, en favorisant les grandes marques, mais un porte-parole annonce sur Eurogamer, le développement de BGE2 est en cours et l'équipe travaille d'arrache-pied pour tenir ses promesses. Bref, ça n'a pas bougé d'un poil depuis les déclarations. Les dernières, c'était lors du départ de Michel Ancel, le producteur, en fin 2020. Ouais, Rayman. Mais le créateur de Bretzel. Créateur de Bretzel. Et Michel, c'est dimanche, c'est l'heure d'apéritif. Oh, Michel Empoivre, à cette époque, disait déjà que ça, c'est pas parce qu'il partait que BGE2 allait être annulé, machin. Donc ça n'a pas bougé. Première question avant tout, est-ce que vous pensez que ces deux jeux, BGE2 et Skull and Bones, vont sortir un jour? Alors BGE2, non. Skull and Bones, j'ai un peu... Skulls and Bones, plus. Ouais. Ah, j'aurais dit le contraire, tu vois. Moi. Ah, bah, non, je sais pas, Beyond Good and Evil, il y a quand même une partie, il y a pas mal de gens qui ont bien aimé le premier, qui avait justement un côté un peu onirique, un peu qui sortait du lot, et qui avait vraiment cette patte graphique qui faisait très Frenchy. Et du coup, je pense qu'il y a certaines personnes qui peut-être s'accrochent encore à ça, parce que c'est vrai que bon, je trouve qu'on peut pas trop se réjouir que Ubisoft se casse la gueule, même s'ils font des jeux des fois un peu pourris. Moi, je me rappelle des premiers pistolets qu'on avait sur Amstrad, qui étaient Ubisoft, ils sont quand même montés à la force du poignet. Et donc, du coup, après, bah, je leur souhaite quand même un bon rétablissement. Diablo 1 aussi. De quoi ? Ils ont distribué Diablo 1. Ouais, carrément. Ils ont distribué plein de jeux à l'époque. Ouais. Non, ils ont été malins quand même sur certains points. Alors là, je suis pas trop à l'affût des news actuelles, mais ça a l'air de craindre un peu, c'est dommage. Skulls va bider, en dit-on dans le chat. Tourche qui dit il y a vraiment des gens qui ont quelque chose à foutre de Skull and Bones. Bah, moi, j'aime bien les jeux de pirates. Donc, ouais, mais en fait, le truc, c'est qu'ils arrivent, comme avec Project Q, là. En fait, ils arrivent trop tard. Après la guerre, quoi. Ouais. Non, mais ils repompent. Parce que, Riot aussi, par exemple, repompe toujours et prend le très bien des autres licences et fait un truc à sa sauce. Mais Ubi, j'ai l'impression que c'est un peu la même, sauf que c'est vraiment en retard, quoi. Ouais. Non, mais Skull and Bones, le truc, c'est que j'avais un peu lu la fiche technique du truc, et ils ont quand même mis énormément de pognon pour tout ce qui était structure de l'eau, structure des vagues, le vent, le machin. Ils avaient mis plein de... Je sais pas si c'était des brevets ou quoi, mais ils avaient vraiment mis énormément de billes pour dire, nous, on sait faire ça, qu'il y a personne qui sait le faire, voilà, pour la technologie. Et au-delà du graphisme, c'est vraiment pour pas que... Tu vois, vraiment que ce soit un truc... L'eau, c'est difficile à faire, en fait. Hyper réaliste, faire un truc, en fait. Voilà. Ouais, c'est chiant. Ils avaient mis pas mal de thunes là-dedans, donc je me dis, est-ce qu'en ayant injecté autant de pognon sur une technologie, ils vont la jeter? Je sais pas, tu la recycles pour un autre jeu. Oui, exactement. Oui, d'accord, mais après BGE 2. Pour le 800e Assassin's Creed, tu vois. Ouais. Non, mais le BGE 2, c'était très bien, Beyond Good and Evil, c'était même excellent. Il y a une grosse fanbase. Il y a Evil, you know. Evil, hein. Beyond Good and Evil, you know. Non, mais plus sérieusement. Ouais, plus sérieusement, il y a une grosse fanbase. Mais allez vous faire enculer. Mais go fuck yourself. Ah. Non, voilà, bref, pour parce que vous m'interrompez, j'arrive pas à aller au bout du truc, mais c'est un très bon jeu, mais même si Ubisoft c'est les champions du monde de je fais un 2, un 3, un 12, un 14, un 32, est-ce que ça va vraiment marcher? Est-ce qu'il y a vraiment les gens? Parce que il y a en fait entre le premier Beyond Good and Evil et maintenant, il y a quand même beaucoup de temps, c'est plus la même génération. Est-ce que les gens, tu vois, c'est et on a remarqué, j'y vais, tu me corriges si j'ai faux, mais on a remarqué que la nostalgie, ça marche pas toujours pour sortir des jeux, hein. Ouais, mais après, le truc, c'est que je vois, là, dans le milieu du cinéma, c'est énormément de suites. Pas toujours. Et ce genre de choses. Et là, c'est vrai que Penny Good Devil est arrivé à un endroit où personne ne l'attendait, et où les mecs, ils ont sorti quelque chose qui est, justement, peut-être que ça, ça fera exploser le truc en disant, bon, on a 50 Fortnite, on a 12 PUBG, ah, il y a Good Devil, ah, ben, le scénario est bon, ah, ils ont un truc pour l'eau, c'est joli. Et ben là, ça peut peut-être faire la différence, justement, et leur redonner une place de créateur, plutôt qu'une place de mec, justement, qui repompe des idées déjà un peu éculées. Comme dit Simanishiki dans le chat, Skull and Bones aurait dû sortir, par exemple, après Black Flag. Ouais, c'est pas faux. Ouais. C'est vrai qu'il faut recréer une hype autour de ce genre d'univers. C'est un peu pareil avec BGE2, quoi. C'est là maintenant qu'on est dans une ère où il n'y a plus ce genre de jeu. Peut-être qu'il pourra trouver son public parce qu'il n'y en a pas des jeux comme ça. Oui, mais il faut qu'il soit vraiment du coup excellent. Mais il y a eu une grosse hype d'un point de vue de pirates. Alors c'était pendant le confinement, parce que nous en musique on reprend des morceaux de pirates parce que ça marche bien. Et il y en a un morceau qui s'appelait le Wellerman, où c'était un bateau qui s'était un peu cassé la gueule, et ils attendaient le renouvellement de la bouffe, quoi. Et les mecs disaient, ah, c'est comme le Covid, regardez, on attend quelque chose qui arrive et on attend. Et donc du coup il y a une grosse hype sur les pirates parce que les gens se sentent un petit peu pirates sur une île déserte. Et du coup là forcément, vu que maintenant le Covid, on a l'impression que ça n'a pas existé, ce qui est plus personne n'en parle. Enfin, c'est normal, hein. Mais on a oublié qu'on avait été à un moment complètement bloqué, quoi. Qu'on pouvait même plus se voir pour faire une émission de radio. Et du coup, je pense que l'effet pirate est un peu parti, quoi, en ce moment. On a perdu un petit peu la hype, peut-être, sur les pirates. Pirates des Caraïbes aussi, c'est mort. C'est vrai que le monde des pirates est un peu mort. Il n'y a plus Émule. Ça existe toujours, hein. On peut pas en faire la promotion, mais ça existe. Ne piratez pas, évidemment. Mais de toute façon, avec les studios aujourd'hui qui annoncent. Maintenant, tous les studios, en fait, ils annoncent 10 ans à l'avance leur jeu, en fait. Mais les gros jeux, ouais. Il n'y a plus de vaporware, en fait, parce que tous les jeux aujourd'hui, tu peux plus parler d'Arlésienne, parce que genre CD Projekt ou EA ou Ubi, ou Quantic Dream, les champions, Quantic Dream avec leur. Le pire, c'est Star Citizen pour l'instant. Oui, Star Citizen. On peut y jouer. Non, mais arrête de voir. Mais genre, voilà, Quantic Dream, ils annoncent un jeu et on sait que le jeu il sortira 5, 6, 7 ans après. Donc, et ils disent, bah oui, mais c'est fini l'époque, en fait, où tu pouvais. On se rappelle d'une époque où ils pouvaient sortir un ou deux jeux par an. Oui, bien sûr. Après, ils n'étaient pas toujours bien. Et un deux jeux par an, c'était les gros studios. Voilà. En fait, le truc, c'est que pourquoi en parler aussitôt, en fait, c'est pour les annonceurs, pour les investisseurs. Oui, mais en fait, tu peux. Non, enfin, t'es censé pouvoir vivre sur les licences d'avant. À part quand t'as un tout nouveau studio, effectivement, mais t'es censé pouvoir vivre avec les licences d'avant. Et à chaque fois, tu décales, en fait, et tu retrouves à en parler au final peut-être que 3 ans avant. Et même 3 ans, si la personne est fan, 3 ans, c'est interminable. Ouais, bah oui. Typiquement, God of War Ragnarok. C'était vraiment vraiment super long, alors qu'au final, et comme Hogwarts Legacy par exemple, qui est repoussé du coup encore une fois. Quoi, était repoussé, non là, ah oui là, mais qui a été repoussé, oui, mais non, mais s'il repousse à 15 à 10 jours de la sortie, ça va chier. La moitié sortie, puisque c'est que sur les consoles PS5. Dans le chat, il y a le vol de mort du vaporware, celui dont on ne voit plus prononcer le nom, tu vois. HL. On va pas en parler, tout le monde doit pleurer. Sur HL3 et tout, mais surtout dernièrement, il y a eu des gros leaks chez Valve, là, un mec qui disait qu'il avait qu'il avait trouvé les assets, ouais, de tous les jeux, de tout ce qui était possible chez Valve, et qu'il n'y avait rien du tout sur Half-Life 3. Ouais, bon, bah oui. En même temps, Half-Life 3, ils vont juste prendre Half-Life 2, ils vont mettre un Unreal Engine. On en a parlé la dernière fois déjà, et voilà, quoi. On parlera encore Vaporware à la fin avec les gros bits. Restez bien jusqu'à la fin, parce que quand on va faire le quiz à la fin, on va parler de tout, notamment de Voldemort. Et vous attendez quoi comme Vaporware? Parce que moi, je sais que j'attends toujours Dungeon Keeper 3. Hein. Ah ouais, Dungeon Keeper 3. On en a parlé dans la bagnole l'autre fois. Ouais. C'est vrai. Mais ça a jamais été annoncé, ça. Quand tu finis, voilà, merci. Même pas au début, t'avais dès le début du jeu, t'avais une porte. Peut-être. Et tu voyais le grand cornu qui sortait à l'air libre et directement, bientôt dans une équipe 3, c'était au début du jeu. Oui, quoi. C'était incroyable, c'était leaké dès le départ. T'avais le jeu, tu venais de l'acheter, t'avais déjà, ils vont faire un 3. Est-ce que je lui tue sa vie tout de suite maintenant ou pas? Moi, j'ai le bullfrog à fermer. Non, est-ce que je te tue tout de suite ou pas? Toi, tu l'as, c'est ça? Non, attends, j'ai attendu Monkey Island 3 pendant 30 ans, donc. Non, mais je le tue ou pas? Attendre. Tue-moi, vas-y, fais-toi plaisir. Tiens, va dans Google Play et tape Dungeon Keeper. Il y a une version. Non, je suis professionnel, j'utilise mon téléphone après l'émission. Ils ont fait une version mobile et c'est une horreur. Ah, si, j'en ai entendu parler. C'était une horreur. Ouais, ça avait gueulé, ouais. C'était une version mobile, donc forcément. Horreur. Non, mais en plus, c'est un pay to win de fou. Enfin, c'était une horreur. Il y a Spike qui nous disait dans le Discord de la communauté: Ubisoft va mourir et je planterai moi-même le clou dans le cercueil si besoin. Il y a Vance qui nous disait aussi: Ubisoft s'est tiré une balle dans le pied tout seul. Ils ont de bonnes licences et idées, mais les détruisent toutes en les casualisant et en mettant le même style sur tous les jeux. Mais ils ont pas de bonnes idées. Ouais, ils reprennent à chaque fois. Je suis désolé, mais. Ils peuvent en avoir, mais. Oui, non, mais ils peuvent en avoir, bien sûr. Mais enfin, ça va, le Mario et le Lapin Crétin, tout a été fait. Et d'ailleurs, sur les sorties, là, il y a eu Tom Anderson, je crois, qui a sorti les 11 jeux prévus en 2023. J'ai vu ça hier. Donc il y a The Division Heartland, le free-to-play de The Division. Ah, il y a Avatar Frontiers of Pandora, bon ça c'est une nouveauté mais adaptation. À voir. X Defiant, un free to play, encore une fois un battle arena machin. X Defiant en deux mots. XD, non mais c'est vraiment un truc en mode ah trop lol et tout avec un XD avec un petit smiley. Ah XD fiante. Ouais, XD. Ma fille est pas fiante de vous. Ah défiante, tu vois, défiante, genre. Non, défiante, c'est en deux mots alors. C'est pas X. Oh, XD. X, c'est pas XD comme le merci. Comme ah, c'est compliqué là. Hein. C'est XD comme un XD, mais défiante. Ah mais c'est pas XD le logo, l'emoji. Si, le logo, c'est en gros, tu vois vraiment que c'est un truc genre en mode kikoulol. Ah ouais, avec bon. Un XD. Tu d'accord. Et c'est défiante alors le truc. Voilà. Ouais. Assassin's Creed Mirage, donc encore un nouveau Assassin's Creed. Skull and Bones qui devrait sortir. Project Orland qui est apparemment la seule nouveauté en fait de l'année qui n'a pas été annoncée et ce serait un nouveau The Crew, donc le jeu de bagnole. Après, il y a Assassin's Creed Nexus sur Oculus 2, The Division Resurgence en free-to-play sur mobile, encore une fois, Rainbow Six Mobile en free-to-play sur mobile, Assassin's Creed Codename Jade sur mobile, et un Assassin's Creed Netflix collaboration sur mobile sur Netflix Gaming. Donc voilà, beaucoup de nouveautés du côté d'Ubi cette année. Lol, je rigole. Moi, j'ai entendu Assassin's Creed et Assassin's Creed aussi. Non, un peu ça. Hein. Et un peu de Rainbow Six aussi. Ah, il n'y avait pas Assassin's Creed à un moment. Et un peu autour de la sphère de The Division. Hein, quand même. Et il n'y avait pas un Assassin's Creed interactif sur Netflix. Non, mais on pourra balancer le truc, c'est sur les coups de gueule. Moi, ça, je le dis à chaque fois. Tu vois, par exemple, quand ils ont fait le mix entre les lapins crétins et Mario, l'idée était louable. Mais parce non, même, même le papa d'XCOM. Si, c'était bien. Mais c'est pas même le papa d'XCOM avait pleuré parce qu'il était content qu'on réutilise cette pensée. Mais le jeu, oui, à la XCOM, c'est trop bien. Mais pas avec Mario et lapin crétin, tu prends vraiment les gens pour des débiles, en fait. Exactement, mais c'est ce qu'ils sont. Et déjà, les lapins crétins, c'est une déclinaison d'un truc de Rayman. Donc, tu prends un truc que tu as décliné dans un premier truc et tu le redéclines avec un autre perso principal d'un autre jeu vidéo. Mais non! Bon, bref, le jeu n'était pas foncièrement mauvais. Mais par contre, le deuxième qu'ils ont fait derrière, et justement, ils l'ont casualisé, il est beaucoup plus simple, et ils ont fait parler les lapins crétins. Et c'est là où ça gueule, parce qu'on disait justement, c'était les blah qui faisaient que c'était intéressant. Ouais. Avec les doubleurs de lapins crétins que tu auras le plaisir de trouver pour la prochaine émission. Stéphane aussi qui le fait, il fait tout, il fait tout. C'est fantastique. Mais alors, oui, après, on peut ne pas aimer l'univers, mais l'idée était louable. Maintenant, c'est vrai qu'il prend moins de risques. Et c'est ce manque de risque, je pense, qui fait la. Oui, bien sûr. Oui, d'accord. Bah oui. Et puis tu rajoutes. Mais Rayman c'est à la c'est fin. Quoi mais, ah, mais tu rajoutes Rayman à la fin. Oui. Ouais, ok. Mais donc voilà, donc y a Ubisoft qui va sortir 11 jeux, dont 12 Assassin's Creed. Ouais, non, je regarde en vraie licence nouvelle, Skull and Bones et Avatar Frontier of Pandora. Qui n'est pas une licence qui nouvelle. Qui n'est pas une licence nouvelle, puisque voilà. Mais voilà. Donc voilà, Ubisoft et les Vaporware surtout, on en reparlera encore tout à l'heure. Du Kingdom 5. On va parler de certains autres Vaporware tout à l'heure, mais je voulais juste refaire parce qu'on est un petit peu à la bourre, et du coup je voulais quand même qu'on parle un peu de The Last of Us aussi, qui n'est pas un Vaporware mais qui était l'autre sujet de cette dernière semaine. Je pose mon micro. Je voulais qu'on parle de cette adaptation en série, ça y est, c'est sorti sur HBO. La dernière fois on disait qu'on le sentait bien, il se trouve que la série a tout déchiré. La presse américaine parle littéralement de la meilleure adaptation des jeux vidéo de l'histoire. Tout le monde a loué le travail de Neil Druckmann et de Craig Mazin. 99% d'opinions favorables sur Rotten Tomatoes, 96% pour le score du public, ce qui fait sans doute la série la mieux notée au monde. Deuxième meilleur démarrage HBO en 12 ans, avec 4,7 millions de ricains devant le premier épisode. Voilà, on peut aussi le voir en français désormais, puisqu'on a appris que du coup le 16 janvier, il s'est sorti sur Amazon Prime. Donc, est-ce que vous l'avez vu? Oui. Quel est votre avis? On va pas être d'accord. Bah commence. Non, justement l'inverse. Commence mais mets-toi dans le champ pour qu'on voit. Non, je commence pas. justement c'est l'inverse. Moi lui. Alors moi j'y vais. Toi tu me dis d'accord. Oui. Donc comme je l'ai dit un petit peu en début d'émission, j'ai fait mes devoirs, donc j'ai pris Amazon Prime exprès pour ça. J'avais acheté le jeu il y a un an et demi que j'ai laissé dans une boîte parce que tout le monde m'attanait avec ce jeu en genre oh là là il est trop bien. Et puis je l'ai acheté quand ils ont fait le remaster. Donc je l'ai acheté la version PS4. C'est vraiment ça. Il est trop Yankee bizarre. Yankee bizarre. Pardon. Et donc hier soir j'ai regardé le premier épisode en ayant jamais joué au jeu. Je connaissais de nom, j'avais vu des images, voilà, je connaissais plus ou moins l'intrigue, l'univers et tout. Donc j'ai regardé la série hier assez tôt, j'ai regardé le premier épisode que j'ai trouvé fort bien, très, très sincèrement très bien. Alors la première impression quand j'ai vu l'épisode c'était genre, ils sont bons, les acteurs sont bons, les personnages sont bien construits, le casting tient la route, mais j'avais pas vu le jeu. Donc à la fin de l'épisode j'ai tout de suite... jouer au jeu, enfin tout de suite non parce qu'il a fallu faire des mises à jour, toi-même tu sais, mais j'ai fait donc le jeu jusqu'à la rencontre d'Ellie, et là franchement j'ai été étonné parce que c'était très frais dans ma tête, c'est-à-dire qu'il y a quelques minutes avant, j'avais fini la série et je joue au jeu, et il y a des trucs qui sont... Ça peut paraître pour du fanservice, mais tu vois déjà que scénaristiquement, et même, j'ai envie de dire, même à la réelle, le jeu, il est vraiment bon, de côté scénaristique réel et tout, et dans les épisodes, il y a des trucs qui sont pris, mais plan par plan, et c'est pas du fanservice, quoi. C'est juste que c'est une critique, ça. Il y a des gens qui ont critiqué ça en disant, ils auraient pu se faire un peu plus chier, quoi. Parce que justement, c'est ça qui est bien, c'est que c'est fait avec parcimonie. Oui, je connais des mots à plus de 3 syllabes. Non, c'est Craig Mazin qui l'a. Non, mais pour dire. Bonne. Bien vu. Non, c'est fait avec parcimonie parce que je peux même donner des exemples concrets pour ceux qui ont vu la série et le jeu. Il y a un plan, à un moment tout au début, il est dans la voiture avec sa fille et il y a les phares de la voiture qui éclaire un panneau et il dit prends là, je sais pas combien. Et dans le jeu, c'est exactement la même chose. Et à l'inverse, il y a des scènes où, par exemple, quand elle lui donne la montre, il fait la même petite blague avec elle est cassée, non, elle est pas cassée, mais c'est pas le même plan, c'est pas la même configuration dans l'appartement, dans la maison, pardon. Là où il y a aussi la maison qui prend feu, alors dans le jeu elle est à droite, dans la série elle est à gauche, donc c'est pas plan par plan tout. C'est vraiment pour expliquer que c'est pas du plan par plan gratuit, mais je pense que les plans qui ont été faits dans la série à l'identique du jeu vidéo, c'est parce que dans le jeu vidéo ils étaient déjà parfaits, ils étaient déjà c'était ce qu'il fallait faire, et ça c'est respecté, et je trouve que c'est très intéressant en fait. Voilà, non, mais même des petites répliques, des petites blagues, là j'en ai une qui vient où à un moment t'as Joël, il se met sur le canapé, il vient de rencontrer Ellie, il le ramène dans son appartement, enfin dans sa planque, il se couche sur le canapé et mot pour mot il dit la même chose, quoi. Elle dit mais qu'est-ce que tu fais, il dit là je tue le temps, et tu vas bien réussir à trouver une façon de t'occuper. Et donc ça fait que c'est une série géniale parce qu'il y a à peu près le même dialogue. Attention, tu confonds le propos. Je n'ai pas dit que c'est une série géniale, j'ai dit que c'est de très loin la meilleure adaptation que j'ai vue, parce qu'ils ont respecté le matériel de base. Ils ont respecté le matériel de base sans pour autant dénaturer le matériel de base et en même temps apporter des nouvelles choses. Il y a plein de petits éléments scénaristiques qui changent. La famille qui est à côté, c'est deux vieux avec encore une plus vieille, alors que dans la série, visiblement, c'est des jeunes. Et c'est presque même. Donc là, c'est pas proche et du coup, ça vous va quand même. Vous prenez parce que c'est de la sauce. L'adaptation, la définition même d'une adaptation, c'est de pas faire exactement la même chose, mais de s'adapter. Mais c'est facile, en fait tu t'adaptes quand tu veux, quoi. Non. Mais alors attends, donc si je peux avoir deux minutes, en fait le truc, donc je m'avance, le truc c'est que je pense que il y a les gens sont un peu victimes de l'effet de masse là-dessus, et en fait là, c'est, alors le jeu était quoi, l'effet de Mass Effect, oui voilà, peut-être il était Mass Effect, non mais le jeu en fait était unanimement adoubé par à peu près tout le monde et tout, et je dirais que c'est un jeu très politiquement correct et très tout le monde a aimé parce que c'est une relation trop bien, super profonde et machin et tout. Mais bien sûr que si. Et que le scénar du jeu est trop choupi-plouc, c'est machin et tout ça. Et après, la profondeur des persos, on peut en discuter et tout, il n'y a pas de souci. J'ai pas fait le jeu donc. Mais j'ai vu. Voilà, ferme ta gueule! Alors du coup, je vais surtout parler de la série. Et en fait, honnêtement, moi j'ai jamais joué au jeu, j'ai vu plein de let's play comme tout le monde et tout ça. Et ça, clairement, ça m'emmerde parce que moi je suis le voyage, je m'en bats les couilles, mais je veux la destination. Voilà. Ah, c'est beau. Et du coup, pour moi, vraiment, j'ai regardé le truc avec un a priori forcément un peu négatif, mais sur le fond, pour moi, ça a été comme le premier épisode de The Walking Dead en fait. C'est pareil. C'est chauve de droite, c'était compris dans le prix. Non, mais vraiment, c'est ça. De quoi ? Non, il y a plus 1000 pour le chauve de droite. Voilà, merci. Voilà. Je ne saurais en être autrement. Non, mais c'est vraiment ça en fait. Tu vois le truc et. On te dit, demain c'est le nouvel épisode d'une nouvelle série de zombies, en gros, globalement, de HBO ou peu importe, ça passe en fait. Ça serait pas The Last of Us, ça serait aussi ok. C'est ok, mais en fait c'est pas. Oui, voilà, tout à fait. Et c'est pas non plus. J'ai rien trouvé qui m'a transporté. C'est un pilote d'une série lambda en fait, je trouve. En un mot, juste les deux, en un mot vraiment, parce qu'on a vraiment un quart d'heure de retard. Il y a eu beaucoup de critiques sur le choix de l'actrice. Bella Ramsey, qui joue Ellie. Oh j'avoue que dehors de visage, le visage, elle colle zéro. Elle ressemble pas, mais c'est pas non, important mais ça. Toi qui n'as pas joué au jeu, tu t'en fous du coup qu'elle ressemble pas au jeu, puisque tu n'as pas joué au jeu. Oui. Du coup, son acting, elle est bien pour le rôle. Voilà. Bah, en même temps, on la voit 5 minutes. Moi, hein, je la trouve bien. Alors, elle arrive vraiment en fin d'épisode. Je la trouve même un peu plus vénère que. Justement, pour répondre à la question de Tourche qui disait en gros, si tu regardes la série, si t'as joué au jeu, t'as pas besoin de regarder la série. Ouais. Si, parce que justement, c'est ce que je te dis, ça respecte le matériel de base tout en ayant une adaptation et apporter quelque chose mais de nouveau. Mais tu peux regarder la série sans avoir. Tu peux regarder la série sans jouer au jeu, puisque c'est ce que j'ai fait. J'avais jamais joué au jeu, moi, avant de regarder le premier épisode. J'ai vraiment fait à l'envers volontairement. Ouais, mais vu que le truc c'était. Oui, mais déjà, The Last of Us, le jeu, c'est une expérience, un voyage. Ouais, voilà, c'est un truc immersif, c'est déjà limite un film. C'est quoi l'intérêt de faire la série en fait ? Pour moi, c'est justement pour un public qui n'a pas joué au jeu. Alors, je pense que justement, c'est ça la force de cette série, c'est qu'elle est bien pour les deux. C'est-à-dire que si t'as jamais joué au jeu, tu vas pouvoir prendre du plaisir. Alors oui, c'est sûr que c'est un robinet d'eau tiède en fait. C'est bien pour les deux côtés. Bah, moi, avec les amis français, c'est que ça relance le débat. Mais attends, allez, je termine parce qu'on a discuté en retard. Et puis je te laisserai le mot de la fin si t'as vraiment envie. Mais je pense que c'est peut-être passe-partout, comme tu dis. Peut-être pas banal, mais non, je pense pas que c'est banal. Je pense pas que c'est une série de zombies déjà. C'est fan service en fait. Je pense pas. Bah si, je pense mais pas. Mais si, mais bien sûr que c'est. Moins que la série. Alors tu vois, moins que la série The Witcher qui est très bien aussi, mais je trouve que dans la série The Witcher très c'est bien. Plus. Non mais non définitivement, t'as des goûts de merde en fait. D'accord. Okay. Lui il aimerait quand tu casses des bouches. Tu casses pas des bouches. Scrabble dans le chat qui dit pour quelqu'un qui n'a pas fait le jeu, c'est plutôt sympa. L'intro reste incroyable en tous les cas. Mais d'accord avec Jay, ça fait effet. Et franchement, et c'est un ciné. Fil de ouf et je suis très flatté que tu sois d'accord avec moi. Par contre, Ellie, gros beauf. Au niveau du jeu d'acteur, du coup, ouais, c'est pas Elliot Page. Non, mais. Non, c'est pas Elliot Page. Mais c'est quel jeu qu'elle était Elliot Page? C'était Heavy Rain. Ah zut! Punaise, j'ai deux trains de retard. Quoi. Non, non, mais il y a beaucoup de gens qui confondent, qui ont déjà nommé Elliot Page. C'est pas une série de zombies, quelle insulte. Oui, non, mais alors pour moi, c'est pas un genre série de zombies, c'est juste que. Avec des zombies dedans, quoi. Bah là, au final, c'est pareil, les gens deviennent des zombards. C'est donc plus un remake sur un autre médium qu'une adaptation. Ouais. Ouais, on peut dire ça. Ouais, le jeu est tellement proche du cinéma dans sa forme que le fait même de l'adapter, c'est un exercice un peu vain. Dans les critiques que j'ai lues, c'est une très bonne adaptation. Et dans les bonnes critiques. Et dans les mauvaises critiques, c'est une adaptation. Donc tu vois, du coup, Adaptation. C'est que tu vas reconquérir un public que t'as déjà conquis avant, en fait, quasiment. Donc... Non, mais Le Seigneur des Anneaux, c'est une adaptation. Harry Potter, c'est une adaptation. Qu'est-ce qu'on fait avec les adaptations? On arrête. Mais non, c'est une adaptation d'un bouquin. Et alors, mais t'avais pas d'image avant Le Seigneur des Anneaux. Mmh. Tu t'imaginais des trucs et après, on met un dessin animé merdique. Ouais, c'est vrai, ouais. On est 70, je crois. Mais Beyond Two Souls, Elliot Page. Bah, je regardais. Mais ils avaient pas pompé le physique pour. Non. Pour Last of Us, non. C'est pas là-dessus. Non, c'est je te jure non. Non, mais je regarderai. Du coup, c'est sorti. On n'est pas d'accord, c'est tout. Regardez, c'est bien. Et regardez, faites-vous votre avis. Hein, c'est toi, t'as pas comme avis là-dessus, j'y vais parce que. Alors moi, j'ai pas vu la série. Bah voilà, le mec pas joué au jeu d'émission. Non, j'ai joué au jeu que j'adore, mais globalement la série m'intéresse pas du tout. J'ai joué au jeu, j'ai pas envie de regarder la série. Donc c'est un bon jeu. Je regarderai. Oui, c'est un bon jeu, mais je regarderai la série par intérêt moyen. Juste parce que ça doit être une bonne série, et si tout le monde dit que c'est une bonne série, bah, je pense par du principe que ça doit en être une. Mais j'attends pas. Moi, j'aime pas spécialement les séries de zombies, désolé, c'est pas une série de zombies. Mais j'aime pas les films d'horreur, j'aime pas les trucs avec des zombies et tout, donc je suis pas attiré à regarder ça, quoi. Et le jeu d'ailleurs le jeu était cool, mais j'ai pas joué en étant attiré, c'est juste qu'il était gratuit sur le PS Plus à l'époque où j'avais le PS Plus et que je l'ai pris. Pas fier de toi. C'est con de. Non, voilà. Je pensais que tu serais dans les politiquement corrects. Beaucoup de gens qui m'ont saoulé pour aller pour le faire. Tu regardais les discours de Raymond Barre. Alors pour un mec qui aime pas les zombies. C'est vrai, exactement. Ouais. J'adorais Raymond Barre. bon, on est à méga labour, donc du coup on va passer au café 80 très rapidement. Merci pour ce débat enflammé. Alan Lee, super sympa d'ailleurs. Alan Lee, celui qui faisait les dessins pour Lord of the Rings. Il a dit qu'on était en retard. Ferme ta gueule. Et c'est un très très très sympa comme mec. J'ai déjà. Qui passe souvent dans le coin d'ailleurs. Mène ton émission, toi. Arrête de relancer. Oui, pardon. Café 80, c'est parti. Café 80. Ça alors, Wild Gunman. L'actu du rétro gaming avec GameTrip.net. Par contre, vos gosses vont adorer ça. C'est vrai. On parle rétro vite fait. Alors, très vite fait, Super Mario Bros, le long métrage d'animation qui a été repoussé en France au 5 avril prochain. Et en attendant, Pathé profite un petit peu du truc pour annoncer la sortie en Blu-ray du film culte de 93, qui sortira juste avant du coup la sortie. Ce sera réédité dans un combo DVD Blu-ray le 22 mars 2023. Non, il n'y a pas de bail. c'est pour fêter les 30 ans du nanar de Bob Hoskins, John Leguizamo et Dennis Hopper. Ça m'envoyait du rêve, moi, à l'époque. Alors, je bah, rebondis. Parce que j'ai dit nanar, c'est pour ça. Non, je rebondis sur ce que Jack a dit tout à l'heure. Pour engueuler, en fait. Voilà, si vous ne savez pas quoi faire ce soir, vous allez sur YouTube, vous tapez. Crust, et puis vous regardez le premier épisode, et puis voilà. Avec Karim Delache. Ça suffira largement, n'achetez pas ce Blu-ray. Super voilà. Intéressant. Pour teaser un petit peu d'ailleurs l'émission, il parle de l'espèce de grosse dame habillée en rouge dans le film, qui correspond donc au poisson qui mange Mario dans Mario Bros 3. Donc il faut chercher, mais. Vonda, je crois, il s'appelait. Ouais, c'est ça, ouais. Et dans la notice de Super Mario Bros 3, c'est le même nom. Donc, non, faut pas aller voir ces films. Voilà, avec des potes et des bières, là, il y a moyen. Spiro de retour, on a parlé avec Stéphane tout à l'heure, Stéphane Cornicard qu'on a eu, je vous rappelle, l'interview complète le vendredi prochain 27 à 20h sur la chaîne YouTube JV. Spiro est sans doute de retour en 2023 dans un message de bonne année sur les réseaux. Le développeur Toys for Bob, qui appartient désormais à Activision, a fait un petit montage très audacieux de Kevin, 11 ans, où toutes les créations du studio sont collées sur une affiche avec un truc genre bonne année 2023, il va y avoir plein de trucs cool. Et on voit Spiro dans un coin. Donc c'est assez sympa parce que Toys for Bob, quand ils ont été rachetés par le groupe Activision Blizzard il y a quelques années, le studio était officiellement intégré dans la liste des studios support pour la licence Call of Duty, comme tous les studios en fait qui appartenaient à Activision. Et donc on se disait, bah voilà, Toys for Bob ne feront plus jamais rien d'autre que du support. Et finalement, le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft pourrait un peu changer la donne, puisque Toys for Bob prépare Spyro, et sans doute, enfin non pas sans doute, et ce qui est sûr c'est qu'il prépare un Crash Team Rumble sur PlayStation et Xbox en 2023, qui serait un 4v4, un arena. Un Smash Bros. Like ou un truc du genre? Non, c'est plus Mario Kart. Ah, d'accord. Non, c'est un shooter 4v4 avec les personnages de. Crash Team Rumble? Un genre de Splatoon alors? J'ai pas dit Crash. Si, Crash Team Rumble, ouais. C'est pas un Crash Team Racing, c'est Rumble, c'est pas Racing, du coup, c'est Rumble. Ah, d'accord, ok. Donc c'est pour ça que c'est pas du Racing. Donc c'est quoi comme type de jeu du coup? Parce que tu parles mal anglais, c'est tout. C'est un shooter 4v4. Oui, donc j'aime comme Splatoon alors, un truc un peu gentil. Oui, c'est ça, voilà. Donc voilà, donc ils vont préparer plusieurs trucs un peu dans des licences un peu différentes, ce qui fait du bien, parce que du coup il n'y aura pas que du Call of Duty dans Activision. Ça manque un peu d'Assassin's Creed, hein, je pense. Loom de retour en version boîte. Non. Ask me about Loom. About. On dit dans Monster. Non, c'est vrai, non. Ouais, tu fais mon journée. Le jeu de LucasArts de 90 est pas le plus connu, mais ça reste un jeu culte. Et Limited Run Game a ouvert les précommandes d'une nouvelle édition physique du jeu, un coffret collector à 69€, avec le jeu sur DVD et sur une clé USB aux couleurs de Lucasfilm, un manuel, une bande originale, un poster double face, une version sonore de l'aventure sur CD, un patch du logo et un livret des partitions. Oh, ça c'est super. Et un pin filmineux de Crédit Agricole. Et puis on en parlera d'ailleurs à la prochaine chronique, parce que c'était un des premiers jeux où, tu sais, vu que la musique était un peu naze, des fois en format. Elle était fournie sur format cassette. Ok. Donc tu avais le jeu avec une cassette audio dedans, et c'était de mémoire, c'était le Lac des Signes de Tchaïkovski qui était dessus. Dans un mois, chronique musique de Jack, dans un mois. une triste fin pour la saga Dragon Quest. Square Enix qui annonce un nouvel opus de son emblématique Dragon Quest avec Dragon Quest Champions, un jeu mobile qui mélange RPG et Battle Royale. La triste fin, ça veut dire ça passe au mobile. Ah ouais, c'est de la merde. Voilà. On sait que l'éditeur veut miser sur le mobile. La voie de garage. Il y aura plein de trucs dedans, mais je vais pas développer parce que c'est sur mobile. Monolith et Bandai Namco sur le remake d'un RPG culte de la GameCube, Baton Kaitos. Ah, j'ai entendu parler. Oh. Voilà. Monolith a dévoilé en 2005 sur GameCube Baton Kaitos Les ailes éternelles et l'océan perdu, ça c'était le nom en français, avec des vétérans du célèbre Chrono Trigger à l'époque. Ça pourrait ressortir apparemment selon des dépôts de marque et plusieurs leaks. Ce serait soit en solo cet été, soit dans un bundle avec le remake de sa suite aussi, parce qu'il y a eu une suite. Ouais, classe. House of the Dead Remake qui prend date, après la Switch, le PC, la PS4, la Xbox One et la Series. The House of the Dead Remake va rejoindre la PS5 prochainement. Je sais plus la date du coup, mais je crois que c'est en 2023 de toute façon. Et puis le dernier truc, c'est Splinter Cell Remake aussi. Pas grand chose à mettre sous la dent, si ce n'est qu'il y a une photo qui a popé sur les réseaux d'Ubisoft en plein dans la semaine de débâcle d'Ubisoft. Ah merde. Donc on sait pas, un trailer, une vidéo de gameplay, une annonce à venir, on sait pas trop. Ça doit être dur quand même de poster des trucs entre guillemets positifs quand tu sais que c'est la sauce dans ta boîte. Voilà. Ouais, alors c'était Ubisoft Belgium qui a posté, hein, c'est pas Ubisoft, c'est Ubisoft, bon eux ils sont loin, ils savent pas trop ce qui se passe quoi. Donc le remake de House of Dead, c'est le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le. Gang Box. C'est le 1, je crois que c'est le 1. Attends, remake du célèbre rail shooter sorti en 96. D'ailleurs, on dit un gangbang ou une gangbang. Il y a Torche qui nous dit ça perd beaucoup de son intérêt sans le flingue. Ah bah oui, ça ne perd pas. Alors je suis pas d'accord avec toi, Torche, ça ne perd pas beaucoup de son intérêt. Ça n'a aucun intérêt sans flingue. Alors non, je me porterai en faux parce que c'est Café 80, non c'est ça. Non, je suis encore d'accord. Donc on peut jouer à Typing of the Dead avec un clavier sur Dreamcast et donc on n'a pas de flingue, mais ça a quand même de l'intérêt. Ouais. Bon, mais c'est pas House of the Dead. C'est Typing of the Dead. Voilà. Bah moi oui. House of the Dead, j'y ai joué que sur bande d'arcade pour le coup. Moi j'ai joué avec Tour chez lui à la maison. Ah non, sur Xbox, il était sorti en version Xbox. On a joué ensemble sur Saturn, je crois, c'était sur Saturn, mon ami. Je sais plus. On a joué ensemble à House of the Dead avec des flingues et je crois que c'était sur Saturn. Et moi j'ai une version australienne parce que t'avais une version qui était sortie sur Wii avec un scénario complètement original. Et la version australienne était sortie Dreamcast, pardon. Avec deux guns. Ah ouais. Donc tu pouvais jouer à deux. Ah bah là c'est bien. Avec la console Dreamcast. Tu pouvais se tirer dessus aussi. Non, je crois pas, mais c'était avec la Bank Box, mais il y avait un scénario original, c'est la seule version. Donc ça mérite un remake parce que personne ne le connaît. Bah voilà, plein de remakes encore une fois, et pourtant c'est pas que de Ubisoft. Ah bah si, Splinter Cell, bah du coup. voilà, du coup, et ben on passe à la dernière partie de cette émission. Là où tu perds des points. Les gros bits, là où tu perds des points, et c'est parti pour le jingle, et c'est parti. Les chroniqueurs s'affrontent dans les gros bits. Pouvez répéter la question ? Les gros bits. Excellente réponse. Merci d'être encore avec nous à 12h30, c'est bientôt fini et du coup ils attendent que ça. C'est déjà fini. Vous êtes en retard pour manger, je le sais, je vois bien que là il y en a quelques-uns qui sont partis manger, mais c'est bientôt fini, restez avec nous. On retourne donc de ce jeu fort plaisant de l'ancienne émission Les Gros Bits. Le concept est simple, une série de questions, chacun son tour, un point si vous trouvez. Cette fois attention, tous les bros jouent pour eux. C'est une battle royale et à la fin de la saison, évidemment, quelqu'un paye. Ah non, non, oui. C'est le Crash Rumble, Super Radio Boss Rumble. Chaque édition aura une thématique, comme toujours. Cette semaine, c'est sur les Arlésiennes du jeu vidéo. Yako 2 points, Jack 1 point, J 0. Ouais. Oh. Et nul. Ni chaud. T'es nul. Première question, ce sera t'es pour mauvais, Jack. Non, mais tu avais bien gagné la dernière. Première question pour J. Stalker. Alors attends. Ok. C'est pas Blizzard, mon gars, comment tu veux que je réponde? Encore à zéro cette semaine. Stalker, en 2001, gros vaporware qui a mis du temps à sortir, il partage une caractéristique avec une autre série connue pour des jeux un peu lents à sortir. Soit, l'une des survivantes que vous croisez dans Stalker au début du jeu s'appelle Hiro Miyamoto, comme dans Daikatana. Oh, Daikatana. Dans les rues, vous pouvez trouver des boissons énergisantes à ramasser qui s'appellent les Coke Nukem. Un scientifique mort du nom de Freeman peut être trouvé dans la zone de radiation. Ou le jeu est en réalité développé par Ubisoft, devrait sortir après Beyond Good and Evil 3. Bon, alors, je pense que je peux exclure la D, mais j'en ai aucune idée. J'ai une idée, mais je dirais pas. Je sais pas, moi j'adore Half-Life, donc je dirais le truc avec Freeman, mais en fait je pense que c'est la 2. Bah, la 2 ou la 3 alors ? Le Coke Nukem ou Freeman ? Je dirais la 2. Eh ben c'était Freeman. Ouais, la savais ! Putain de merde ! Je suis content ! Putain, je suis deg. 0 donc toujours pour J. Deuxième question pour Jack maintenant. BGE 2 sortira peut-être jamais. Sûr que non. Alors on va parler de BGE qui partagerait un univers commun avec une autre création Ubisoft. D'ailleurs l'idée du jeu provient de l'une de ses affirmations. Une de ses affirmations est vraie. Mm-hmm. Dans Rainbow Six, un niveau se nomme Beyond Good and Evil et il n'en fallait pas plus pour créer un concept autour du titre parce que c'est Ubisoft, on a plein d'idées quoi, mince. Dans Rayman 2, un glitch fait que le joueur peut sauter sur un bateau volant et faire le tour du monde, ce qui a inspiré Michel Ancel. Parce que c'est Ubisoft, quoi, on a plein d'idées, quoi, mince. Dans le jeu d'aventure Iron Lord en 89, toujours un jeu Ubi, vous rencontrez un Sus Sapiens, un porc doué d'intelligence qui vous aide dans votre quête. Parce que c'est Ubi, on a des idées, quoi. Et dans Monaco Grand Prix Racing Simulation 2, à un moment, il y a Michel qui passe dans les stands et qui dit « Dans 20 ans, faudra qu'on fasse une suite à BGE et ça sera un Vaporware. » Ok, fantastique. Il me semble bien que c'est le 3. Le Iron Lord avec le Sus Sapiens. Ouais. Eh bien, c'est faux. Dans Rayman 2, il y a un glitch. Je le savais. Et d'ailleurs, dans le jeu, dans BGE, dans le jeu, il y a des insectes Aedes remanis que Jade peut prendre en photo et qui ressemblent aux moustiques, aux mosquitos de. Moi, je sais, honnêtement, je sais pas comment vous j'aurais savez. J'aurais pu répondre bon aux deux, donc je sais que tu as choisi une question que je vais pas pouvoir comment répondre. Comment vous savez tout ça, je sais pas en fait. Possible. Bah, moi, j'aurais pu répondre aux deux, mais lui, j'avais le truc en plus. C'est dans le sens de ceux qui ont des points en fait, tu vois, c'est le. Vas-y, va là, fais ta question. Allez, troisième question pour Yako. DNF en 97, Duke Nukem Forever, partage des petits hints. Des petites indices durant les écrans pour nous aider à aller plus loin. Ne soufflez pas les autres. J'en ai pas la moindre idée, mon gars. Selon Duke, que faut-il faire pour éviter de perdre une vie ? Soit recharger plus souvent, éviter de perdre une vie, mieux jouer, ou prendre moins de dégâts. Oh. Dans les toilettes, genre. Alors, je sais qu'il balance des punches de temps en temps, et je crois qu'il dit. La 4, ouais. Non, et je crois qu'il dit. Hail to the king, baby. Non, et je crois qu'il dit tu devrais mieux jouer, mais je suis pas sûr. Redis-moi les quatre propales. Pour éviter de perdre une vie, recharge plus souvent. Pour éviter de perdre une vie, évite de perdre une vie. Pour éviter de perdre une vie, joue mieux. Pour éviter de perdre une vie, prends moins de dégâts. Ah, il check sur sa montre là. Ah là là, triche, moins 2 points. Moins 2 points. Putain, alors attends. Alors, recharge. En fait, je crois qu'il dit tout. Non, il y a pas. J'aurais dit la A, la B, la C, donc la D. Non, mais je crois qu'il dit tout, mais pas quand tu perds une vie. Je crois éviter de perdre une vie. Je crois qu'il dit tout ce que tu dis. Il faut recharger. Oui. Il dit éviter de perdre une vie. Ça aurait été rigolo, mais il dit pour éviter de perdre une vie, prends moins de dégâts. Et voilà. Putain. Ah. Voilà. Point pour tout le monde. Attention. Non, on est vraiment des grosses merdes. Vous pouvez vous rattraper. Dernière question pour Madame la règle de 3. J'en ai écrit une quinzaine. Pas mal. Attention, c'est celui qui est le plus près. Enlève ta montre, toi. C'est celui qui est le plus près qui gagne 2 points. 12. 2 points. Okay. Non, 2 points. Comme ça, tu peux le revenir. Plus près, ça veut dire qu'il va donner des chiffres, les gars. Cyberpunk 2077, sorti pas fini en 2020, a été annoncé en 2012. Il est l'un des plus chers de l'histoire en termes de budget. Ah. Combien de millions de dollars? On compte le budget marketing et tout ça? Ouais, c'est tout le budget. Combien de millions de dollars il a été. Ah putain, ça je sais que je l'ai vu passer forcément. Alors, vas-y. Ah, moi aussi je l'ai vu passer. Donne-moi une réponse. Chacun une réponse. On va commencer avec 10, je vais mettre plus 10. Bah oui, non, mais non, je vais faire. Mais je vais tiens, faire on va commencer par là. Ah non, c'est pas juste. Ah si, c'est rigolo. Bah allez, on va dire 483 256,30. 483 millions, c'est ça que t'as dit? Bah écoute, oui. 483, ok. Yako? Pour bon, alors j'en ai. Allez, allez, allez, allez. D'où 483 millions? Ça me paraît excessivement cher. C'est avec plus, 483 millions. Allez. Je dirais. J'en ai aucune idée. Je vais dire aller 60 millions. Ouais, ok. Et... je dis 300. 300. Alors il y en a un. Toi, qui. Non, 350, pardon. Si t'as le compte qui est juste, tu gagnes des chips. Il y en a un qui est un tout pile. Non, c'est faux. c'était 328 millions. Donc ah, c'est bravo, Jay. Voilà. J'étais pas trop loin. Non, ça va. Je savais que c'était cher. Jay revient à égalité avec Yako. Ouais, donc... Et je deviens dernier. J'aurais pu mener, quoi. Je suis deg. Ouais. Mais non, mais c'était bien joué. Freeman m'a trahi, quoi. Bah ouais, en plus, t'avais Freeman, ça c'est dommage. En plus, quoi, la prochaine ça m'énerve parce que les deux là, je les avais. Les deux, je les avais. C'est toujours comme ça. Vous les aviez, vous, dans le chat? Dites-le en commentaire. Vous gagnerez des points également et vous pourrez vous faire payer un tacos. Exactement, vous viendrez avec nous. Celui qui a le plus de points à la fin de la saison vient et le taco s'est payé par le perdant, par le staff, à un membre du chat qui aura le plus de points. Donc vous pouvez mettre n'importe quoi, vous pouvez mettre que vous êtes tous les points. Merci à tous, abonnez-vous, activez la cloche, tout ça vous le savez. Merci à tous, surtout qu'aujourd'hui on était très nombreux, très très nombreux sur le chat, on était une vingtaine quasiment pendant toute l'émission. Donc je pense qu'on a fait encore une fois une belle audience et ça nous fait très plaisir parce que bah, on revient un petit peu de nulle part. C'est vrai qu'on vient de loin. On a survécu au Covid. On a survécu au Covid. On avait fait une émission qui n'était pas écoutée. Et aujourd'hui, elle est écoutée. Ça nous fait extrêmement plaisir, surtout de vous lire, vous, dans le chat. Et nous, comme ça, bah, du coup, on s'amuse bien. Et d'avoir le père Ziège qui est d'accord avec moi sur. Exactement. On a des échanges avec le chat. C'est vachement agréable quand même. C'est vachement agréable. Ouais, le chat, c'est cool. Et pensez à aller voir les VOD sur la semaine de. Ouais, c'est intéressant. Et même les anciens, pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir. Avec monsieur Carnicard, parce qu'il était vachement sympa. Il avait vraiment d'accord. Ouais, alors du coup, rendez-vous donc. Vendredi 27, je crois que c'est ça, vendredi 27 à 20h sur la chaîne YouTube JV, donc c'est youtube.com/JVJIVEJV, voilà, sinon les liens sont en description évidemment. Un dimanche sur deux, comme toujours, à 11h, donc on se retrouve du coup le 5 février, la prochaine émission, à 11h sur Twitch, twitch.tv/JVJIVEJV. Et on se retrouve très vite aussi pour la VOD sur la chaîne JV sur YouTube. Le podcast, vous le savez, vous pouvez télécharger l'intégrale très vite. Ça sortira sans doute demain, après-demain, sur les plateformes de diffusion de podcasts Google, Podcloud, Podcast Addict, Spotify, iTunes. Voilà, merci à tous. Deezer. Et pas Deezer pour l'instant, mais ça viendra. De toute façon, il est midi et demi, donc ça peut pas être Deezer. Oh. Voilà, c'est partout. Merci à tous, participer. Merci à tous. On fait des gros bisous. Merci aux chroniqueurs. On se retrouve dans deux semaines. À dans deux semaines, messieurs, dames.